Hello à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est moi qui vais me présenter. Donc, c'est Oli aux commandes et on va aborder le thème du travail, le monde merveilleux des open space, des pauses café et de Didier qui se branle dans les salles de pause. Oh, une fois par semaine seulement. De temps en temps. Avec moi pour ce podcast, il est ingénieur, bientôt data analyst. Enfin, il y a débat parce que quand même, c'est pas vraiment être data analyst, je crois. C'est Andy. Bonsoir. Non, c'est bien la data analyst, mais c'est pas le big data. Oui, c'est ça. Non, on en débattra un peu plus tard. On en débattra. Okay. Ensuite, 100% chineur et bientôt docteur. Putain, elle est énorme celle-là. Bonsoir. Beau gosse. Et il est déjà venu travailler en Sarwell pour protester contre les discriminations vestimentaires des hommes par rapport aux femmes. C'est Didier. Salut tout le monde. D'ailleurs, parlant du Sarwell, on en parle tout de suite. Mais donc nous avons fait le tirage au sort du gagnant par rapport au dernier podcast. Et la personne qui a gagné le Sarwell est Olivier. Du coup, Olivier, la prochaine fois que je te verrai, tu auras droit à ce magnifique Sarwell. Je te le mettrai impeccable. Bien. Tu devras le porter sur la tête pendant toute la soirée. Ok, super. Eh ben écoute, ça me fera plaisir. Et j'irai au travail avec, évidemment, afin de me faire licencier. Impeccable. Au moins, je toucherai le chômage. C'est parfait. Alors, pourquoi le thème du travail, hein? Pourquoi eh bien, écoutez, j'avais envie, parce que récemment, le travail a pas mal impacté ma vie. Ah oui. C'est compliqué. Mais voilà, c'est... Beaucoup de private jokes ce soir, je vous préviens tout de suite. De toute façon... Il y a seulement nos amis qui nous écoutent, donc au pire, c'est pas très grave. Mais et voilà, on va commencer. De Mars. Et bien sûr, mes collègues de Mars, oui, c'est vrai, que j'embrasse d'ailleurs. Et du coup, on lance tout de suite le jingle travail. Yes, merveilleux générique qui va griller Marocco. J'ai chiné sur Internet quelques facts, quelques questions de culture générale. On va commencer par ça. Et voilà, vous allez me répondre et puis on va discuter un peu du travail. Bah ouais. Ok. Donc, alors, j'ai une première question. Et je crois que je l'ai déjà posée dans un podcast. Donc au pire, on verra si vous écoutez. Est-ce que vous savez ce que c'est un aptonyme, sachant que ça a bien sûr un rapport avec le travail, hein, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Et du coup, est-ce que vous savez ce que c'est un aptonyme? Je me rappelle que tu l'as effectivement déjà posé. Oui. Je l'ai déjà dit. Je le savais que j'avais déjà posé, mais c'est con parce que et vu que le thème du travail. Malheureusement. Alors, vous vous souvenez pas de la réponse? On laisse Didier répondre. Bah oui, je pense qu'on sait vu qu'on mais t'a Didier, écouté. Didier, vas-y. Du coup. Écoutez, moi j'ai piscine, donc je vais vous laisser. Voilà. Ah merde. Voilà. Donc bon, je laisse Victor ou Andy répondre sur la question de l'aptonyme. Et je reviens un peu plus tard. Non, mais. Allez. Tu peux nous redonner un indice? Je pense qu'on va l'avoir direct. Donc un aptonyme, déjà, c'est forcément quelque chose qui a un rapport avec un mot. Ou... Ça commence par apte, est-ce que c'est... aptonyme, apte, c'est... En tout cas, c'est pas toi, Didier. D'accord, ok. Ah oui, excellent. C'est vrai que... c'est vrai que du coup, ça ne répond pas aux critères, tu as raison. On réglera ça en coulisses, Andy. Un terme... je sais pas, un terme que t'as... Oh putain, j'en ai aucune idée. Donc c'est un rapport avec le travail, Nîmes, évidemment. C'est donc... C'est le langage, le champ lexical de travail? Non, pas du tout. C'est un peu marrant, hein. C'est un peu drôle. Mince, mais ouais, oh là là, on est nul en mémoire, quoi. On peut faire une dose de temps de réécouter aussi, le podcast qui parle de ça. Bien sûr. Mais c'est genre, c'est drôle, genre le truc qui est interdit d'aptonyme, enfin, ce que ça veut dire, c'est drôle ou... C'est un peu marrant, enfin, les aptonymes sont marrants. Sont marrants. C'est un peu des coïncidences. Donc du coup, oui. Vous savez ce que c'est, genre un synonyme? Oui. C'est un mot qui est... Voilà. Donc là, ça a rapport avec un mot. Ouais, parce que, ouais, je pense que apto, ça doit être du grec aptonome, travail. Non, je n'en sais rien du tout en vrai. Mince, c'est des travaux. Ah, non, ça vient de apte, approprié, ouais. Qui convient. Ah oui, c'est marrant. Ah bah oui, en fait, putain, c'est vrai que quand on regarde la structure, encore un podcast très bien construit. Mais c'est vrai que aptonyme, c'est littéralement, en fait, mot ou nom, du coup, onyme, c'est nom qui convient, nom approprié. Voilà, qu'est-ce que ça peut être, du coup? Ah mais si, un travail. Est-ce que ça va être un travail qui convient à la personne selon certains critères? C'est Madame Boulanger qui est boulangère. Bah, presque. Mais je m'en suis rappelé. Exactement, Victor, tout à fait. Très très bon. Évidemment. Donc là, j'ai une liste, évidemment, de... Ah ouais, bah, on veut bien. Madame Boulanger qui est boulangère. Donc, assez marrant. Par exemple, Marc Dufumier qui est agronome à AgroparisTech. Moi, je trouve ça excellent. Fabien Peluche, ouais, qui est joueur de rugby, c'est aussi... Okay. C'est aussi un peu drôle. Il y a un mec dans mon entreprise, donc Mars. Le mec s'appelle littéralement Marsman. Son nom de famille, c'est Marsman. T'imagines à quel point c'est discriminatoire, ouais, ouais, en entretien où le mec forcément il est pris. Ouais. Bah forcément, et... forcément. Je veux dire, on regarde pas plus loin, on regarde son famille. Et dit moi, Marsman, y a rien bah, qui me dégoûte plus que la discrimination positive. Ça, c'est vraiment. C'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Il y a eu il y a la ministre, je sais pas si elle est encore ministre du transport, mais en tout cas Elisabeth Borne. Ouais, pas mal, ministre pas du mal. Transport, c'est un abtonyme aussi. Eh ouais, pas mal. Là j'en ai un, c'est un urologue canadien qui s'appelle Joao Pipissal. Mon dieu. Marco Vélo, cycliste professionnel, ça, celle-là elle est facile. Hein. C'est pas mal. J'en ai. Et est-ce j'en que... ai un. Est-ce que dans les stades, juste, je me demande, t'as des les gens comme ça, est-ce que souvent, ils, de par leur nom de famille, ils vont s'orienter vers ces métiers ou des fois c'est vraiment du hasard? C'est le pur hasard. C'est le pur hasard, bah, non oui. C'est du pur hasard, ouais. Après, Marc Dufumier, quand même, quand il lit. Quand... Ouais, agronome, mais après, tu cherches un peu, quoi. Bon. Tu cherches un peu, quand même. C'est des... souvent, c'est des noms de famille qui doivent remonter à 600, 700 ans, donc il y a très peu de probabilité que tu te tournes automatiquement vers. Ouais, mais attends, mais moi j'en ai un de d'abtonyme. Allez. La DJ. Ouais. Attends, je suis désolé. En plus, le name dropping. Ça me saoulait. J'arrête. Je vais plein dans ma blague et tout. Les gens vont retrouver Didier maintenant qu'on a son nom de famille. Ils vont être tabassés. Attendez, il y en a un qui est excellent quand même. Pour l'orthographe. Champion du monde. Champion du monde de ski nautique qui s'appelle Pierre Plouf. Je croyais que ça allait être Pierre Touchous. Pierre Touchous, ouais, c'est vrai, ça aurait été pas mal. Ça aurait pu marcher aussi. Voilà, voilà. Et est-ce que ça marche avec les personnalités? Ah bah par oui, exemple, oui. Quelqu'un qui s'appellerait Le Sage. Ah, le Sage, ouais, le Sage. Et qui serait très sage. Ça, c'est un anto-abtonyme, en fait. C'est un anto-abtonyme. Mais bon, personne s'appelle Le Sage. Non. Ça serait vraiment ça serait chelou. Eh bah écoutez, excellent, c'est parfait. En tout cas, belle mémoire, bravo les gars. Dans quel podcast dans le premier podcast, c'est lequel dans lequel t'en avais parlé? J'en ai aucune idée, je pense que c'était un apéro, non? Ah, c'est possible. Mais en fait, c'est une pure idée en fait. Vu qu'on a une mémoire de merde, on va pouvoir faire ouais, un podcast avec les mêmes sujets. Ouais, c'est bon. c'est une idée. On reprend tous les thèmes qu'on a déjà fait. Bah d'un côté on peut déjà refaire l'ancien podcast vu qu'on ne l'a jamais sorti. Ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est l'affaire de beaucoup de c'était gens quoi déjà le thème podcasts. C'était, les origines. Les origines. Je m'en souvenais plus. Bah ouais. Perdu dans l'oubli, bah écoutez, c'est pas grave. Dommage. Bon alors on va passer du coup à la prochaine question. Est-ce que vous savez quelle est la particularité du vin, de la bière, du cidre et du poiré? C'est des alcools qu'on peut boire au boulot avec modération, mais que légalement on peut boire au boulot. C'est... Alors c'est, ou c'est un truc du genre. Donc, du coup, ce jeu va aller très vite. En fait, ce sont les seuls alcools autorisés dans le code du travail. Le vin, la bière, le cidre et le poiré. Ça me fait trop rire, c'est mais le poiré, genre. Au boulot. J'ai jamais bu de poiré, ouais. Bah, dans mais le code du travail, bon, c'est ouais. Les 4 seuls. Si c'est comme c'est du cidre. Seuls, Ah, bah, moi j'ai bu un cidre de poire, mais je crois pas que ça. Pour moi, un poiré, c'est pas un alcool fort, justement. C'est chelou, c'est en plus, genre, on pourrait dire ok pour tous les alcools. Bah, cidre, ah non, c'est du meilleur au cidre, ouais, c'est ça. Par bah contre, écoute, ouais, genre, dans le code du travail, écoute, j'ai vu un article qui racontait mais... ça. Je n'ai absolument pas vérifié mes sources. Parce que c'est des produits. Même maintenant c'est des produits régionaux parce ou des trucs non mais parce que je veux dire à l'époque non, à l'époque c'était connu il y a plus enfin à l'époque de nos grands-parents mais qu'ils allaient au boulot ils avaient leur pichet de vin enfin nous je sais que c'est interdit. T'avais les enfants à l'école avant la guerre les enfants à l'école quoi, ils buvaient du vin à table et nous mais on vous peut ouais, d'ailleurs c'était ma question est-ce que vous pouvez midi, boire hein. Au travail non c'est interdit on a rien à voir. Ah mais nous on le fait souvent mais ouais c'était un laboratoire mais l'enseignement genre eh ben scandaleux, ben, hein, alors déjà il y a le côté laboratoire mais aussi dès qu'on est sur le terrain et tout ben, on va marquer le coup. Ça c'est quoi, bien du agro-paritech tout craché. Hein. Et Victor tu nous confirmes que Vicky tu nous confirmes c'est bien nos impôts qui payent vos pichets de rouge le midi. C'est scandaleux. Bah, c'est oui. scandaleux. D'un côté, on dit ça, mais je me souviens qu'au rue. On a 15 euros, on prend un sandwich à 2 euros. Au rue, il y avait des petites bouteilles de vin. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais Oui, oui, oui. Et bah oui, oui, oui. Mais c'est vrai, on pouvait. On peut, on ouais, peut en prendre. Mais... Je sais pas s'il aurait laissé aux Alors, étudiants, mais c'était quand est-ce même. Que c'est... Je me demande plus si c'était juste au rue classique ou c'était quand t'allais à la. Je sais, à la brasserie, ouais. La brasserie. Je crois brasserie. Que c'était que à la brasserie ah, oui, que c'est tu sûr. Pouvais avoir ça. Ouais. Oui, oui, parce que c'était qu'à la brasserie que tu peux avoir du choix, en fait. Ah, franchement, un petit coup de rouge, un ça coup va de rouge, pas c'est long, ça de va pas te prendre. Ouais, c'est bon pour la santé. C'est long. La France. Et du coup, est-ce que t'as déjà été un peu bourré? Et ses valeurs. T'as déjà été un peu bourré, taf? Ah ouais, moi ouais. Mais en fait, nous on fait souvent des repas tous ensemble. Enfin, souvent on fait ça deux fois par an. Sérieux, après, fait, l'après-midi doit être. Ça tous ensemble. Et l'après-midi, il y a tout le monde qui est qui est en train de phaser. Sinon, Olivier, on dit, vous avez déjà été vous bourré au travail ou pas? Ou sous? Pas forcément, enfin éclaté, mais sous, ça vous est déjà arrivé? Non, parce que alors nous chez Mars, ils ont une stricte politique zéro alcool. Genre, ils détestent ça. Ok. La légende voudrait que... Alors, je sais pas si c'est vrai. J'ai jamais réussi à trouver d'article, mais apparemment, la famille Mars qui a créé l'entreprise serait mormon. Et du coup, ils aiment pas l'alcool. Donc, ils ont mis cette politique-là. Donc, jamais chez Mars, t'as pu boire de l'alcool. Et même quand t'es en réunion d'équipe, en tout cas en journée. Même en plénière externe et tout. Voilà, c'est ça. C'est parce que le soir, par contre, ah ouais. tu peux te la mettre. Mais la journée et tout, t'es techniquement tu bon. Mais après voilà, après j'ai ça. Fait, je suis déjà venu au taf quelques fois avec une grosse gueule de bois, mais c'était au début, genre quand j'étais en stage ou. Et c'est une tellement mauvaise expérience que je me l'interdis en fait, genre c'est pas possible. D'accord. Alors maintenant heureusement qu'il y a le télétravail. Et même si vous avez un genre de pot de départ et tout, si, il y aura les même pots pas. Départ, bah déjà ça même sera pas. Pas des bières, si tu le fais le pot de départ à lui, enfin à l'open dans l'open space ou dans l'usine, il y aura pas d'alcool. T'as pas le droit d'amener de l'alcool sur le site. Ah ouais, ouais. Et si après tu fais le pot de départ le soir, voilà, tu pourras te la coller, même si t'as un peu de budget pour. Mais ouais, mais si la journée à l'usine. Ouais, non, mais ouais, sinon ouais, déjà fait gueule de bois, mais c'est tellement des mauvaises journées que c'est vraiment un truc. Ah, tu les subis un peu. Hein. Ouais, un peu pareil des gueules de bois. J'en ai déjà eu plusieurs, hein, et pas qu'une. Plusieurs, je suis déjà arrivé gueule de bois au boulot, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure expérience, mais ça passe. Par contre, enfin vraiment sous au boulot, ça m'est déjà arrivé quelques fois. C'était bon, pareil, la politique chez nous, c'est à zéro alcool sur site, t'as pas ramené de l'alcool, mais on avait avant le Covid, bien évidemment, des plénières de temps en temps où on prenait tout le bâtiment administratif, et parfois des gens de l'usine prenaient le bus, puis on allait à 15-20 minutes du boulot dans une grande salle, donc on avait une plénière avec nos directeurs qui nous parlaient, et après t'avais un petit, pendant une heure, t'avais un buffet. Et il y a quelques fois où vraiment je me la suis collé un peu sévère quoi. Puis l'après-midi, il fallait retourner au boulot travailler. Et du coup, bah, j'avoue que j'étais un petit peu sous pendant que je bossais. Ah ouais, non, ça c'est chaud. Hein. Et tu confirmes, Didier Duro, que c'est nos impôts qui payent le fromage plus. Pas du tout. Ah, ça non. Alors, étant donné que nous sommes une entreprise privée, non. Voilà. Non, mais on paye une TVA sur vos fromages. Vous avez fermé votre gueule tous les deux là ? C'est honteux. Ouais, c'est honteux. C'est honteux, oui. Bah, c'est quoi, je boycotte officiellement ta marque de fromage. Où va vous savez quoi, tu vois, j'en reviendrai presque à être triste que ce soit pas vos impôts qui payent ma grosse race, vraiment. Grosse déception. Sinon, ce sera avec plaisir que je vous enverrai des photos, moi bourré devant mon PC en mode payer plus, bande de chiens. Le mec, il noue son sarouel autour du front. Non, par contre, un truc, c'était on a des plénières une fois par an, pareil avant Covid, et j'avais jamais ramené, mais la prochaine fois qu'on en a une, je compte bien ramener une cravate à mettre autour de la tête. Je trouve que c'est vraiment emblématique. Non, c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Tu sais, ça c'est une règle obligatoire dans le cadre du travail. Ouais. Non, c'est obligé. Un mec en cravate bourrée doit la deuxième... mettre autour de la tête. C'est évidemment. Noir sur blanc. Ah bah oui. Ça c'est vraiment très très très important. Ah oui, non, mais c'est clair. Donc ça, ce sera fait à la prochaine plénière. Il faut que t'aies la chemise ouverte aussi. Ouais, une manche remontée et l'autre pas remontée. D'accord. Mais dégueulasse. Le gros risque de permettre de l'alcool, c'est tous les petits dérapages qu'il peut y avoir et ça te colle au derrière. Enfin, moi je sais que dans notre boîte on a pas le droit de boire, mais vu qu'il y a plein de pots de départ, ça y va, ou même pendant les soirées annuelles. Et c'est des histoires qui continuent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après à suivre les gens. Et bien sûr. Ouais, un peu fiché, ouais, t'es c'est fiché. La vie, hein. Bah ouais, t'es fiché, ouais. Bah moi, je connaissais des gens qui travaillaient chez Heineken ou chez Cronenbourg. Et pendant longtemps, les caristes et tout, donc les mecs qui transportent les palettes avec les colis et tout, ils se prenaient une caisse. ils mettaient derrière leur chariot et puis toute la journée ils sifflaient des bières quoi, mais c'était tout à fait accepté. Mais genre le mec, enfin niveau sécurité déjà c'est hyper dangereux les caristes, ah, surtout en manutention, surtout et le mec il avait sa caisse de bière derrière, mais bon il disait rien à une époque, c'était ça se faisait quoi, et le mec il était complètement torché et après il prenait la route pour rentrer chez eux. Donc, le pire ouais, c'est ça, c'était un peu des standards à l'époque, ça c'est un peu ouais, ça a bien changé quand même. Oui, mais c'est vrai que maintenant... C'était mieux avant quand même. Franchement, c'était mieux avant. La chose il n'y avait pas tous ces problèmes, c'est féministe là, voilà, on en parle ou quoi. C'est allez, ça. On change le thème. 1735, thème code pour que t'es, merci. Alors, on sait tous, hein, et surtout Didier, que venir travailler en short en France, c'est pas terrible, c'est même pas très autorisé. Je sais même pas si c'est interdit ou quoi. Mais en Allemagne, les patrons, s'ils le souhaitent, ils peuvent forcer à faire porter quelque chose à leur employé. Est-ce que vous savez quoi? Ouais, ouais, ils ont droit de dire vous devez porter ça. Alors, homme vous trouvez. Une coquille. Une chemise? J'irai une chemise pour les hommes. Non. Mais. Ah, des soutiens-gorge? Des soutiens-gorge. Bon, Victor, en fait, on va arrêter parce que. Bon, mais je connaissais vraiment pas. Il va durer 10 minutes. Bah, c'est les mêmes. Il est trop fort, en fait. Il est extraordinaire, ce mec. Attends, c'est exactement ça. En fait, en Allemagne, tu peux, le patron, ouais, il peut demander à forcer à dire bah non, vous mettez un soutif. Quoi. Ah oui, mais il peut pas. Techniquement, il peut pas. Mais c'est quoi l'intérêt? J'en ai. Bah, je sais pas. Ben, pas que, j'en sais rien. Pour pas que ça soit. Que ce soit moins voyant, moins gênant, je sais pas, peut-être. Mais comment il peut vérifier? Ou parce qu'ils ont des man boobs? Ah, pour vérifier, Didier, enfin. Tu vois pas quand une fille a un soutif. Ah non, mais ça dépend. Ah, non, mais ça... Tu es si pur. Mais non, mais ça va dépendre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des moments. Enfin, tu le vois, mais je sais pas, la personne va avoir un haut blanc, tu le verras. Mais je sais pas, si la personne a un haut noir, tu le vois pas si facilement, quoi. Si elle a un pull ultra épais et col roulé, ils le verront non, pas. Non, mais c'est ça, mais je veux dire. Évidemment, mais. Bon... Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, t'as des moments où tu le vois clairement dans un transparent, tu vois direct si la. Oh, bah dis donc, on se rend slay. Mais ça suffit. Bravo, non, mais. Trop dégueulasse. Bande de petits. Non, mais là, typiquement, on arrive en hiver, la personne, elle a, comme dit Victor, elle a un pull col roulé. Tu veux pas savoir. T'es obligé de toucher, quoi. C'est un peu gênant, quoi. ça dépend. Après ça, je. Non, ouais, non, c'est un peu bizarre de forcer ça. D'autant qu'apparemment, c'est beaucoup mieux pour les poitrines de ne pas avoir de soutien-gorge. Vu qu'on est entouré de mecs, je pense qu'on est les mieux placés pour savoir ça déjà. Évidemment. Ouais, clairement. Ouais, ça m'a fait l'expérience. L'expérience, c'est ça. Je veux dire, nous, on les connaît. Hein. Il y avait un truc comme ça aussi, un peu par rapport à ce que tu disais, même de base, que pour la santé, c'est mieux de ne pas avoir de soutien-gorge. Tu avais justement une étude qui, par rapport aux mecs qui portaient des pantalons, enfin des jeans très serrés, et du coup, ça réduisait un petit peu la fertilité parce que les parties sont un peu compressées. Ça faisait un peu. Tu es sacrément fertile, mon Didier. Non, je suis en Sarouel, je suis tranquille. C'est exactement ça, en fait. Il a dit fertile. C'était la blague, toi, tu es très fragile. Ouais. C'est juste dommage qu'on ait dû expliquer la blague. Je vais quitter le podcast. Heureusement que j'aime bien expliquer mes blagues, mais franchement, c'est. Ou encore non. Plus les blagues des autres, c'est vraiment parfait. Ah non, dans 5 minutes, je quitte le podcast, hein, vous êtes prévenus. Hein. Impeccable. Alors, du coup. Vas-y, Victor ne répond pas à la question. Oh non, attends, vous savez quoi, attends, je crois que j'ai posé la moitié là. Ok, je vous propose. Tiens, on va mettre le deuxième générique et ça sera pour Didier la suite, ok? Allez, okay. C'est parti. Donc des questions un peu moins ouvertes que Olivier, mais ce sera un peu plus quelques chiffres comme ça. J'ai cherché quelques données intéressantes. Un peu intéressantes plus fermé pour discuter. Du coup. Victor, la prochaine fois, je parle du Discord. Fais gaffe. Hein. Non, j'ai quelques chiffres, voilà que je voudrais partager. 3, poser les questions. 8. 7, vous en pensez en quoi, France, vous je vais vous ignorer, je vais vous mute tous les trois et je vais vous poser mes questions et je répondrai tout seul comme ça. Alors en France, alors à votre avis, combien en pourcentage, combien de personnes 67 disent millions. Qu'ils non un pourcentage qu'ils aiment leur travail. Combien de pourcents de... Je pense pas beaucoup, moi je dirais 23. Ok. Un peu plus quand même. C'est j'aime, hein, c'est... 38. Ok. 38. Et toi, Andy? Putain, je suis en train de faire le truc de Victor, la conscience collective ou je sais pas quoi. Ah oui, non, mais je mets un 60. Ah, t'étais le plus proche. 76% des gens disent qu'ils 76, aiment leur travail. Mais quel mytho. 76. Non, mais ça, attends, quand t'entends parler, le sondage a été fait dans les entreprises. C'est incroyable, ou ouais. Ça a été fait par des cadres, en fait. Parce que franchement, moi, j'interroge des gens, genre, je vais à l'usine, je leur demande s'ils aiment leur taf. À mon avis, ils me disent tous non. Quoique. Oui, puis à mon avis, ils ont surtout compilé tous les sondages internes des entreprises, c'est où, genre, on te demande est-ce que tu aimes bien ton travail? Et ah, c'est oui, nominatif. C'est et t'as le choix entre oui et. Non, mais attendez, parce qu'après, il y a des variantes. Là, c'est vraiment j'aime mon travail, dans le sens. Attends, et du coup, est-ce qu'autour de cette table, on n'est pas du tout autour d'une table, mais est-ce que vous aimez votre travail? Moi, oui. Moi aussi. Je suis chômeur, donc du coup. Bah, tu dois aimer ça, non? Du coup, t'as un petit profiteur, bah, si tu cherchais là. Eh mais attends, mais c'est pas grâce à nos impôts là que. Chômeurs qui cherchent pas de travail. C'est pas grâce à nos impôts du coup là que là l'électricité pour le podcast. Bah, si. D'accord, ok, là, ça me semble. Super, bravo. Et moi, je l'aimais mon travail, mais en ce moment, je m'en passerai bien un peu. Après, pourquoi? C'est vrai qu'il faut nuancer quoi. Bah non, mais c'est. Oui, oui, oui. Bah, ça fait 3 ans que tu le fais, toi, non? Ouais, voilà, moi, ça fait 3 ans. Là, c'est la phase un peu dure où j'enchaîne et je suis un peu solo. Enfin, bon, bref, voilà. Mm-hmm. Mais globalement, j'aime beaucoup. Ah, tu vois, rien que du coup, si on prend. Bientôt docteur. Mais c'est vrai que du coup. Oui, voilà. Donc, tu vois, finalement. Du coup, c'est vrai que finalement, on est bien dans plus 75% que 30%, ce qu'on pensait. Après, tu vois, t'as deux nuances, notamment, c'est. La question c'est je prends du plaisir au travail, à votre avis combien de personnes prennent du plaisir au travail? Et c'est des gens qui ont répondu tout le temps. Attends, mais tu peux donner toutes les réponses qu'il y a. Il y a j'aime, il y a alors, je prends du plaisir. En fait, dans la statistique du coup t'as les personnes qui disent qu'ils aiment leur travail, donc 76% des gens interrogés disent qu'ils aiment leur travail. Après sur le global de 100% de travail, combien prennent du plaisir au travail? Bon, un peu moins, mais... Je dis 30%. Moi, je 40%. Dirais 24. Hein, 57. Putain, oh merde. 57%. Ah, mais tu vois... Mais attendez, comment tu dis je prends du plaisir? En fait, plaisir, ouais, dis... C'est à quel moment? Enfin, vous, à quel moment vous dites je prends du plaisir? Enfin, moi, j'avoue que de part, notamment, l'usine avec laquelle je travaille, ou... beaucoup de enfin on s'entend enfin il y en a un très bon relationnel, et du coup c'est vrai que le fait de travailler dans une bonne ambiance, ça te permet aussi de prendre du plaisir à travailler. Si de base t'aimes ton travail, que tu as une bonne ambiance derrière, alors tu vas faire des journées, tu as des moments, des fois c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est vrai que tu vois je me lève pas le matin en me disant ça me fait chier, j'ai pas envie, je tire la gueule. Bon, la flemme de me lever de base étant voilà de par juste la flemme de me lever, mais enfin après quand je suis au travail je suis content quoi. Bah, quand t'as une équipe où tu rigoles bien la journée, ou alors même quand t'atteins tes objectifs et tout. Moi, je fais des réunions avec une usine à l'étranger et tout, et puis quand tu lead un peu un meeting et tout, c'est un peu stylé, tu vois. Il y en a, tu prends un peu du kiff et tout, t'as l'impression après, de gérer ça. Et tout. Après, la question n'est pas est-ce que je suis absolument trop ouf, trop content à fond de ce que je fais. C'est vraiment, t'es content de ton travail quoi. Je prends du plaisir, c'est pas le hobby, on va dire. Il y a un truc qui vient de popper dans ma tête là. Genre un sentiment que j'ai quand je suis en réunion, genre je fais parfois des gros meetings. Ouais. Et j'ai envie de le dire comme les grands. Il y a parfois, genre je suis avec mes collègues, on a 20, 29, 28 et tout. J'ai trop l'impression qu'on est des gens qui jouent la comédie d'adultes. Qui font des meetings, et en fait non, j'ai toujours cette sensation là parfois, c'est très perturbant, tu vois, j'ai l'impression de faire le grand en réunion, genre je suis en réunion et tout, ouais, donc là les chiffres voilà et tout, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Genre donc ces gens font ce que je fais alors que j'ai 29 ans et tout, et je me dis mais putain, mais oui, mais c'est vrai hein. Genre j'ai souvent cette impression là, est-ce que je suis le seul ou pas? Dites-moi. Bah moi là je te cache pas que de ce côté là notamment tout ce qui est réunion depuis enfin quelques temps déjà, enfin maintenant notamment dans les réunions Teams que j'ai en face un directeur général, un directeur, franchement je suis comme je suis au quotidien quoi, genre je vais faire non mais vraiment je vais faire je vais faire des blagues, des fois j'utilise un peu des private jokes dans les slides et tout, mais ça passe très bien, ça passe très bien, blagues, qu'est-ce que tu dis non mais pas les blagues Non, mais... mute le DG. Non. Il fait, ok, vous pouvez. Allez, je déconne, mais... ouais, ça va. Non, mais je sais pas, t'as des trucs. Enfin, je suis de plus en plus vraiment en mode naturel et pas comme tu disais où tu joues un peu le jeu du. De celui qui c'est vrai après... que je joue, hein, je reste naturel et tout, mais oui. Parfois je me dis dans ce contexte-là, j'ai l'impression d'être un adulte. Et en fait, c'est exactement ce que je suis. Je sais pas si c'est genre un syndrome de l'imposteur ou alors je suis un adulte ou un truc comme ça. Mais you are sus. voilà, ouais, c'est le marrant. Le pire, c'est surtout quand il y a certaines boîtes, je travaillais avant dans le conseil, et quand on recrutait des stagiaires, la personne, elle a jamais bossé et on la met genre devant. Le numéro 3 ou numéro 4 de grosses boîtes, genre style Nestlé ou ce que vous voulez, ou du Chanel, et elle doit lui parler comme si elle connaissait son taf depuis 25 ans. Et t'es là, t'as 25 ans, tu parles à quelqu'un qui a deux fois ton âge, et tu dois faire genre que tu maîtrises ton sujet. Ouais, alors ça, j'ai jamais compris les boîtes de consulting qui recrutent que des jeunes qui n'ont aucune expérience dans la. Je comprends pas le principe, mais après, ça a l'air de marcher, hein, donc tant mieux, mais. J'avoue, je comprends pas trop. Pourquoi c'est pas que des vieux qu'on a dans ces boîtes de consulting, en fait ? Ça coûterait trop cher. Et puis pourquoi le numéro 3 de Nestlé écoute un stagiaire de 25 ans lui donner des conseils sur... Mais il écoute pas les stagiaires, du coup, il écoute la boîte de conseil. Ça coûte très cher, le consulting, déjà. La boîte de conseil, ça coûte hyper cher quand tu... prends une boîte de conseil. Ouais, tu dis qu'ils ont fait un taf derrière qui... Ouais, qui a été fait par 3 mecs de 28 ans qui ont jamais... Enfin, ouais, c'est chaud, je trouve. Alors après, ça dépend des boîtes, mais évidemment, on ne vend pas, on ne dit pas c'est un mec de 28 ans qui a fait ton truc. On dit c'est un mec qui connaît ton marché, qui a des connaissances en business et en ingénierie de ce que tu veux. Du coup, il comprend assez bien et puis il a fait le taf qu'il fallait pour pouvoir répondre à tes questions. S'il fallait faire une enquête, il a fait l'enquête, donc il n'y a pas besoin d'avoir 50 ans. Après, ça dépend. Il y a des conseils très stratégiques où effectivement, tu as besoin d'avoir un mec qui a 25 ans de métier. Et quand tu as des places dans tes conseils d'administration et tout, ouais, ils payent des mecs qui ont déjà 30 ans de boîte parce que ouais, ils veulent du gros, de la grosse recommandation. Et là, tu payes 200 000 balles juste pour un mec qui va parler 10 minutes. Mais après, les boîtes de conseils... tu les payes pour un taf de 3-4 mois où elles te parlent pendant 3-4 jours et c'est moins cher. Tu vas juste payer 50 000 balles et puis basta. Moi, dans le sens de cette question, j'ai dernièrement un groupe d'étudiants d'une école d'agro, mais pas celle qu'on avait faite nous, une autre école d'agro qui sont venus me contacter pour m'interviewer sur un sujet. Quoi, et, classe. Franchement, c'était kiffant pour moi, quoi. Genre, je trouvais que effectivement, que j'avais plein de choses à leur raconter et j'ai eu le sentiment de bien les avoir bien les avoir aidés dans leur projet. C'était quoi le sujet ? C'était bien bien cool. Bah, c'était très proche de mon sujet de test et sur comment on mesure un paramètre dans le sol là et. Ils avaient hyper bien préparé leur entretien et du coup, ça faisait des questions hyper intéressantes. Et enfin, j'étais vraiment impressionné par le travail qu'ils avaient fait. Et... trop bien, quoi. Et comment ils m'ont trouvé, là ? Alors là, aucune idée. Par contre, ça doit être avec mes publications. Ils ont dit... enfin, voilà. C'est le début du succès. Sur LinkedIn, quoi ? Sur LinkedIn, non, t'as pas mis ton intitulé de thèse ? Doit y avoir aussi, mais ça m'étonnerait que ce soit par LinkedIn. Sexe à pile naturel, hein, ça veut dire. Tu peux peut-être profiter du podcast pour dire quand on peut acheter tes précos pour assister à ta thèse. Pour assister à ma. mais c'est du coup, tu vas être docteur, donc on va carrément avoir une rubrique médicale. Et... tu pourras animer notre rubrique médicale, tu vas être docteur, c'est trop la classe. Ouais. Alors, mes conseils pour le Covid. Techniquement, ça sera docteur, voilà, donc ça sera docteur Vico qui répondra à toutes vos questions. Et oui, tout de suite, j'ai un appel d'un auditeur. N'hésitez alors, pas sur Twitter. Ouais, hein, une boule à l'anus. Franchement, s'il y a plus de 100 j'aime à la vidéo, on fait un épisode. Mais quelle vidéo ? Sur le podcast, pardon, 100 j'aime au podcast. On fait un épisode spécial où on invite Didier Raoult pour que Victor puisse débattre avec lui. Allez, ouais. Didier Raoult. On fera ça. Je lui envoie un petit texto pour savoir s'il est chaud. Hop. Il y a 100 j'aime, ouais, ça part. C'est parti. C'est parti. On définira la date un peu plus tard, mais bon, s'il est OK, c'est cool. Et du coup, le Covid. Franchement, on a tenu toutes nos promesses depuis le début. Très bien. Du coup, les gars, le Covid, vous pour ou contre? Non. J'ai souvent été pour, mais maintenant contre. Voilà. Ok. Impeccable. Alors ensuite, du coup, Didier, t'as d'autres chiffres? Est-ce que t'aurais une autre question? Ouais. Alors. Attends, est-ce que ça a à voir un peu avec tes. De quoi? Avec mes. Non, bah vas-y, écoute, vas-y. Sinon, j'allais pouvoir reprendre un peu mes questions plus ouvertes, mais il n'y a aucun souci. Ah, c'est bien gentil. Fais-toi plaisir. Merci. Vas-y. Ah, enfin, un qui me comprend. Vas-y. Je crois pas. Ralasse-toi. À votre avis, en moyenne, en France, sur une vie, combien de pourcentage de temps représente le temps passé au boulot? Ma question était mal formulée, mais sur 100, si ta vie c'est 100% du temps, en gros combien de temps tu passes au boulot en pourcentage à ton avis? Bah en vrai, tu fais 28. 40. Attends. Tu passes 8 heures par jour. Par jour. Enfin, ouais. 8 heures par jour sur une journée de 24 heures, ouais, ça fait un tiers. Temps passé au travail, tous les week-ends. Alors c'est hors retraite, hors école c'est et tout. Un tiers. C'est forcément moins de 33%. Moi je dirais ouais 22%. Moi je pars sur 22%. Tu sais quoi, je pars sur du 27. Rien à foutre. Moi je suis comme ça. Rien à foutre. Bah, 27, c'est beaucoup trop. 27. Mais c'est beaucoup trop. Tu commences à travailler attends, à 23 ans. Attendez, les mecs. Non, mais... attendez, on s'est dit quoi? On disait genre on vit 80 ans. Non, mais en plus, oui, c'est plus, moi je pense. Parce que bosse, quand même, tu bosses 40 ans au moins. Mais non, c'est pas plus. Tu bosses 40 ans. Il met 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Tu bosses la moitié de ta vie et les premières ça fait ta pas vie, beaucoup. Tu bosses hein. Qu'un tiers du truc. Être un putain 5 ans. Non, moi je reste sur 27. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Allez, 27 ou 10. Non, vas-y. Attends. Mais évidemment, on pourrait le calculer. Mais je fais 18%. 18, 22, 27. Attends. La réponse, maître Nadja. 18, 22, 27. Eh ben, j'étais aussi assez étonné, mais ce n'est que 12. Ouais, parce que c'est que les branleurs, hein, ça c'est le joueur. Et toi, à contrario, pour donner un peu un petit comparatif, on passe en moyenne 23% de notre vie à dormir. Donc en fait, tu vois, statistiquement, on dort quand même deux fois plus que ce qu'on passe au boulot. Et dormir, on le fait pas du tout. On dort au moins un tiers de notre temps. Plus que ça, non? En moyenne, ça dépendait. Avant, t'étais. On fait des nuits de 6h30. Ça a diminué parce qu'avant, la moyenne était de 8 heures par jour. Maintenant, les gens sont un peu en dessous. C'est pour ça que t'as une moyenne un peu baissée. Mais c'est vrai que théoriquement, on préconise entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Donc, je suis d'accord qu'on devrait plus s'approcher des 30%. Mais les gens dorment un peu moins qu'avant. C'est pour ça que maintenant, t'as une moyenne à 23%. On va dire un quart. C'est Didier qui fait baisser la moyenne. Ah, bah là, ouais. Avec mes 10%. Donc voilà, mais j'étais étonné, tu vois, 12, ouais, j'aurais aussi dit peut-être, aller un petit 20%, mais ouais, 12%, j'aurais pensé un peu plus quand même. Ouais, j'aurais dit plus aussi, mais bon, après, ça doit dépendre quand même des gens. J'ai encore deux chiffres intéressants. Alors, est-ce que, à l'échelle de l'Europe, est-ce que vous sauriez me dire, il y en a deux, les deux pays où l'âge de la retraite est le plus âgé, et quel âge? Le plus tard. Wow, le il y en a deux. Parce il y en a deux exécutifs. C'est chaud. Parce que genre les États-Unis, je sais pas s'ils ont vraiment un âge de la retraite. Juste l'Europe, juste l'Europe. Là, c'est juste l'Europe. Ah, en Europe, là, pardon. Le... J'ai cherché dans le monde, j'ai pas trouvé d'Europe. Dans le monde. Les États-Unis. Attends, comment on les États-Unis doivent paraître les fédéralistes, c'est ce qu'ils voudraient. Attends. Andy, alors, qui est du Odyssey? Ouais, ça dégage. J'avoue, c'est chaud. Déjà, moi je pense que ça doit être genre. Du coup, nous on travaille 42, donc ça doit être 40, 40 47, je dirais, 46. Non, c'est ça. Juste l'âge de la retraite. Donne l'âge de la retraite. Ah, c'est chiant là, parce que ça veut rien dire l'âge de la retraite. Si l'âge de la retraite, c'est 62. 18. Oui, ça dépend. Bon, alors on va dire que ça doit être 69, 70 le plus âgé, j'imagine. Les autres vous disent attends, quoi mais il faut donner l'âge ou le pays? Alors là, d'abord l'âge et après il y a deux pays. Il y a deux pays ex aequo sur l'âge de retraite qui est le plus. Avec âge moyen de retraite? Non, 69 c'est abusé, c'est archi vieux ça. On est pas tous dans des pays. Andy, notre génération, on sera à la retraite à 75 ans, hein, tu sais. J'espère pas non plus. Quand même. Mais justement, il y a une étude d'ailleurs avant. Moi, de, je dirais 70. Avant de donner vos réponses, il y a une étude sortie en 2019. Je sais pas, c'est pas l'IFOP, pas du tout, où ils ont comparé les temps de travail hebdomadaires, mensuels, annuels et au long de la vie toutes les personnes en Europe. Et je sais pas pourquoi j'avais en tête que en France on finissait tard, mais ouais, du coup je vais dire 65 le plus vieux. Nous techniquement pour l'instant c'est 62. En commençant à travailler à 20 ans. À peu près. Oui, j'ai dit 65. Il y a 65. Bien toi, t'avais dit combien? 69, 70, Olivier? 69, ouais, j'avais dit. Moi. Et toi, Victor? 70. Et la réponse est 67. Donc, vous étiez ex-éco, Olivier, parce que vous étiez à 2 ans tous les deux. En fait, je m'imagine juste les pays qui sont quand même plus ruraux, où il y a beaucoup plus de métiers un peu type agricole, et en fait, ils arrêtent un peu jamais, quoi. Mais du coup, c'est... Attends, on peut... Ou ils arrêtent quand ils peuvent vraiment plus. Moi, je dirais que c'est plus, les Suisses. Donc, c'est possible, ça? Non, pas alors, les Suisses. Bah, j'avais Suisses vu, très longtemps, alors, j'avais vu les Suisses, et ils étaient pas loin derrière, ils étaient à 66 ans, je crois, mais c'est pas eux les premiers. Putain. Ouais, les pays très à droite, en fait. C'est souvent des... Moi, je dirais... Ils sont assez... En vrai, ils sont très opposés. Les pays sont très opposés, en vrai. Ouais. C'est con. Roumanie non. Et Pologne. Ah, la Grèce, non? Non. Ok. Lituanie? Non. Estonie? L'Espagne? J'espère qu'on va pas tous les faire. L'Angleterre? J'espère, c'est des flemmards. Connards d'anglais. C'est les pays. Et non, ce sont des connards, mais pas si tard. L'Autriche? C'est pas les Irlandais. Attends, genre Norvège et tout là? Non. Pour moi, ils travaillent pas longtemps, à mon avis. Comment ça? L'Allemagne, la Norvège et tout? Et non. C'est ça le bas. Genre la Suède et la Finlande, non? L'Autriche? Non. Non mais bien, ça fait réviser les Italiens, oui. Italie est un des deux. Les Italiens, ok. Ah ouais. Non. C'est encore un coup. On n'y aurait pas pensé avec leur 5 ans. C'est clair, ils prennent rien au travail, donc ça va. Faut bien le laisser ça. Et donc il y a un autre pays qui est ex aequo avec l'Italie. Est-ce qu'il est frontalier ou pas à l'Italie? Pas du tout. C'est un pays de l'Est. Il est frontalier à la Russie. Ah, la Grèce. Non, pas Malte. Arrête-toi, Malte. Il est frontalier à la faute, donc c'est une île. Ouais. T'as dit l'Irlande, c'est en Europe. C'est connard d'anglais. Ah, Turquie. Non, toujours pas. Non. La réponse a toujours pas changé. C'est compté en Europe, la Turquie? Je crois pas. Attends. Turquie ne l'est pas. C'est pas une île, de toute façon, la Turquie. Non, c'est vrai, mais une île en Europe. Non, mais c'est vraiment une île. Quelque part, l'Irlande. Si, la Turquie fait partie de l'Irlande. Je vous donne un indice, c'est normalement mon prochain voyage. Oh putain, on s'en branle. La Réunion. Ah, c'est l'Afrique. Oui, en Europe, c'est vrai que c'est. Ouais, carrément. Attends, là, on est cons. Les gens, ils vont écouter ça, ils vont dire, mais ils sont complètement cons, pourquoi ils n'ont pas dit ça? Ah, en plus. Olivier, t'en es encore à penser que l'Afrique est une colonie de l'Europe et que du coup, tu considères ça comme une île. Ouais, on t'a pas lâché, tu vas dire, clairement. Didier, c'est abusé. Ah, mais bon, tu couperas pas ça au montage, Andy, faut que tout le monde sache. Ah, évidemment, c'est la Corse. Et non. Non, mais arrête-toi, la Corse. Mais la Corse, non, mais c'est pas un pays. Je vais vous le dire, vous allez dire, baby. Non, tu dis rien. L'Islande. L'Islande, ouais. L'Islande. Ah, putain. T'es sûr que l'Islande, ils sont dans l'Union Européenne? Non, ils sont pas dans l'Union Européenne, mais ils sont... Comment ça, ils sont légalement en Europe? Ils sont dans l'Union Européenne, c'est pas vous qui les décidez, les mecs. On est pas là autour d'une table à dire lui, il rentre, lui, il rentre pas. Ah, on pourrait. Si, je te parle de l'Union Européenne, pas de l'Europe, là. Il y a Monsieur Micron qui nous rejoint après pour qu'on débatte de ça, en plus. Ah, mais attends, Didier, ton truc, c'est l'Union Européenne? Non, l'Europe. L'Europe, ouais, mais l'Islande, c'est sur le continent européen? C'est considéré, ouais, c'est considéré comme dans le continent européen. Mais par contre, je vous confirme, c'est pas dans l'Union Européenne. Ça ne l'est Est-ce pas. Que vous savez qu'en Islande, ils sont tous cousins et du coup, ils ont une application? Quoi? Mais on en a déjà parlé, c'est du troll. Lâche comme ça, c'est là. Pas du tout du troll. Mais... Alors, attends, Olivier, attends, mais on va si, dégager on en a déjà... le Discord, lui aussi, il nous saoule. T'as dit que c'était une île? L'Islande. Ah, mais c'est l'Islande, la réponse? Bah oui. Ah, pardon. Mais t'as dit Islande, t'as dit Islande, je t'ai dit oui, l'Islande. Ah, et là, tu me dis, mais c'est Islande, la réponse? C'est le dialogue de sourds. En fait, je savais pas à quoi t'avais dit oui. Ah, c'était donc à l'Islande. Donc, c'est Islande et Italie, les deux pays avec un âge de retraite à 67 ans. Tu veux bien qu'on couche ensemble, Didier? Oui. Du coup, ils ont vraiment une appli, les Islandais. Et s'ils veulent choper une meuf, il faut qu'ils rentrent le nom de la fille dans une appli pour voir s'ils sont pas trop éloignés. Incroyable. D'accord, donc maintenant on décide de poser des questions et de donner des réponses qu'on n'a rien à voir. seul jeu. Bah, exactement. C'est ça. C'est et maintenant, cool. j'ai une dernière. Après, je te laisserai la parole pour la fin de ta question, Lily. Mais j'avais une dernier chiffre. Pareil, j'étais un peu étonné. En moyenne, en France, c'est que en France, sur une carrière, donc de plus de 40 ans, combien de postes une personne occupe-t-elle en moyenne? Différents. Postes différents. Je dirais des chiffres, ils datent de quand? Est-ce que c'est des chiffres récents ou est-ce que c'est des chiffres de il y a 10 ans? J'avais vu que c'était quelque chose. Alors, c'est pas vieux, mais c'est pas de. Enfin, ça a moins de 10 ans. J'avais trouvé c'était moins de 10 ans. 2015-2016. Ouais, d'accord. Moins de 10 ans, ça, c'est. Ce gros bluff. Moi, je dirais 5. Ouais, je dis pareil, je dis 5. Ah, c'est ça, c'est 5. Là, j'aurais pensé un peu plus quand même. On a gagné quoi? Nous pépons la ça prochaine fait, fois. Ouais, ça fait un peu moins de 10 ans quoi. Ça doit être plus ouais. Maintenant quand même. Hein. Notre bah, génération. C'est ça, maintenant. Plus, tu vois, rien que Justin, 5 c'était en un an, tu vois. Putain. Non mais c'est vrai que. Bah... Parle de travail là. Ouais. J'espère qu'il l'écoutera ça. Mais c'est vrai qu'après, je serais curieux d'avoir vraiment dans les. Enfin, notamment sur les chiffres très très récents et à venir, parce que bah, on l'entend de plus en plus maintenant. Bah, que, c'est sûr que ça va. Bah, oui, c'est sûr. Finalement, la mentalité de nos générations, c'est plus comme à l'époque avec vraiment le culte de l'entreprise où les gens. Enfin, nous, on avait certains qui partent en retraite. Ils ont commencé à 18 ans à travailler à l'usine. Ils partent en retraite, là, ils sont encore à l'usine. Donc. Mais c'est vrai que c'est plus trop notre génération maintenant comme ça. Bon, je dis pas qu'on change tous les ans, mais les changements sont quand même plus fréquents. Donc 5 ouais. Postes, ça va certainement augmenter un peu plus à l'avenir. 40 ans, ça fait vraiment pas beaucoup, je trouve. Ça fait peu, je suis assez étonné. Ça fait très très peu. Mais moi, c'est normal, c'est une époque où les gens, déjà, ils restaient dans la même boîte pendant 30 ans et ils faisaient 2-3 postes, quoi. Enfin, ouais, mais là, je me serais attendu, tu vois, quelque chose comme peut-être pas une dizaine, mais qui avait dit 7, ouais, un truc, genre allez, peut-être un 8. 8 m'aurait moins choqué, tu vois, mais 5, voilà. Après, nous, on est peut-être des gens, je sais pas, genre très mobiles, très jeunes, donc ça nous paraît facile de changer, de bouger, et en fait, bah. Très bon, surtout. Et très bon, surtout. Ouais, et peut-être que pour la plupart des gens, c'est peut-être plus difficile, donc quand tu trouves un taf, t'es content, tu restes, pour peu que t'habites dans la région, tu t'accroches, enfin. Bah pour garder ta place, et puis bah, tu fais un poste et t'évolues peut-être deux fois, et puis bah, stop. Je sais pas, tout. Ouais, possible. Après, il y a des gens qui sont peu carriéristes et puis qui ont leur petite vie et tout, et je peux comprendre. Oui, hein. Aussi. Oui, il y en a qui aiment bien la routine. Il y en a qui aiment, enfin, ceux qui aiment, ouais, qui aiment la routine. Tu sais, t'as pas le stress et tout, ça a aussi un certain confort. Hein. T'as pas ouais, non, mais c'est salaire, sûr. Mais au moins t'es tranquille. Quoi. C'est ça. Après, c'est ça, enfin, t'as tout, et puis ça, comme tu dis, les personnes qui sont en mode juste ils veulent avoir leur poste tranquillement, bon ben. À pas chercher plus loin, puis ça leur convient. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu as d'autres chiffres pour nous, Didier? Non, voilà, je. Non, c'était voilà. Parfait, c'était excellent. Bah, écoutez, merci à vous de m'avoir écouté. C'était des bons chiffres. Excellent, bravo. Alors, exercice de mémoire, on refait les différents chiffres dans l'ordre depuis la première question. C'était 63%. J'aime mon travail. 72. 76. 76. Oh la vache. Je prends du plaisir au travail. J'avais le 6. Ah, c'était 54, non 56. 57. On est nuls. 57. Ouais, bon, ça va. Temps passé au travail en France. Ouais, 12%. Ensuite, l'âge de la retraite d'abord. Ah, pardon, l'âge de la retraite. C'était 67. Les deux pays, c'était évidemment l'Italie et l'Islande. C'est Italie et Islande. Et donc, le nombre de postes 5. En moyenne, 5. Ouais. C'était pas mal, en vrai, ça va. Ouais. Ça va, mais les premiers chiffres. Ah, c'était loin, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, du coup. Ouais. Tu en t'écoutes pas vraiment en plus. Alors, moi, j'avais une autre question. Qu'est-ce qu'un aptonyme? Putain, on n'a aucune idée. Ah oui, ok. Je me suis bien fait avoir. J'étais déjà en train de rager, mais putain Didier, t'as dit t'avais plus de questions et tu me sens encore une question. Ok, donc moi il m'en reste quelques-unes. Oh très bien, magnifique. Oh, mais là on est entre nous, on est bien, quel plaisir d'être avec vous. Est-ce que vous savez la particularité du lundi dans le milieu du travail, à part les connards qui disent comme un lundi quand tu leur demandes comment ça va. C'est quoi l'autre particularité? C'est le premier jour de la semaine. Oh putain, là, ah, évidemment. C'est le jour le moins travaillé. Ah, c'est pas loin. Il y a du jour le moins productif. Le moins productif. On est pas loin de ça. On est pas loin. Le jour de ça. Le plus détesté. Le jour le plus détesté. Ouais, ça c'est évident, mais du coup, mais il y a quelque chose qui se passe en fait. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un rapport avec le fait que c'est pas forcément travaillé. Ah, ou c'est là où il y a le plus de gens qui sont soi-disant malades, quoi. Mec, c'est vrai, on ne l'arrête pas. Il est sur l'autoroute du savoir, le gars. Mais t'as bientôt docteur, ça se voit, hein, franchement. Mais t'es sûr, t'es pas là genre en partage d'écran, il a accès à tout à ton écran, pense, là, ouais. Parce que ça commence à devenir vous savez, je me contente de faire ce que je peux avec la vision de la société. Franchement, il est pas docteur pour rien, il sait analyser. Simplement. Ce mec est un truc de ouf, c'est incroyable. C'est le jour où il y a le plus d'arrêts maladie, comme de par hasard. Tiens. Ouais. Ça c'est ouf. Les week-ends un peu durs, quoi. Ouais, et du coup, vous avez déjà pris des arrêts maladie? Moi, dans ma longue carrière de 6 ans, si j'en ai pris 2 quand même, parce que j'étais malade. Mais vraiment, j'avais une énorme gastro. Par contre, vas-y, finis. Bah, c'est tout. Mais avant le Covid, ça m'était. Non, mais non, donne avant, un peu plus avant de détails COVID, sur l'énorme gastro. Avant le gastro. Covid, j'ai eu justement 2 ou 3 jours où j'étais vraiment pas en forme, et donc je travaillais de chez moi. Où j'étais pas. Moi j'étais mal, je dormais et je comatais, mais je travaillais un peu, mais bon, après, j'étais juste trop mal. Quoi. Mais moi après, j'étais pas trop mal, mais tu vois, juste malade en mode, tu sens que t'es pas en forme, t'es pas bien, puis ne serait-ce que pour pas être dans le bruit du boulot et pour pas, enfin, si t'as quelque chose, de pas le refiler aux autres, ben, j'allais travailler, je m'arrivais 3-4 jours de dire, pas d'affilée, mais au total, de travailler à la maison, mais sinon, jamais un arrêt. Jamais un arrêt. Ok. Moi, c'est à peu près pareil. Je les pose pas, en fait. Tu les poses pas? Bon, ah oui, tu les poses pas, ouais. Tu travailles, quoi. Genre. Bah, c'est chiant, en plus, ouais, tu es médecin. Ouais, voilà, je reste chez moi. Tu peux demander au médecin et tout. Mais à côté de ça... Ah bah, toi, Andy, t'as dû en avoir quand tu t'es pété ta clavicule, non? Ouais. Ouais. T'en avais eu combien? Genre 2 semaines, ou moins? Je crois... Alors, 2 heures. J'avais 2 semaines à la base, mais finalement, vu mon état, j'ai fait qu'une semaine. Et la deuxième semaine, je travaillais... depuis chez moi. Un ouf, mec. Franchement, t'aurais dû le prendre quand on voit tous les gens qui disent, d'ailleurs, ça, c'est mon prochain point. Genre, je sais pas si vous en avez des collègues, mais clairement, ça abuse. Ah bah. L'impression. Déjà, ils disent, je vais me mettre en arrêt, ça, c'est un truc. Genre, t'as soit des mecs en prod, et ils sont vénères, ils disent, je vais me mettre en arrêt, c'est toi qui te met en arrêt, en fait. Genre, tu dis pas, c'est le médecin qui va m'arrêter, c'est je vais me mettre en arrêt. C'est incroyable qu'il y ait des médecins. Après, j'ai des médecins dans mon entourage et ils ont. Enfin, c'est flippant, genre quand ils refusent un arrêt de travail, ils ont peur de se faire péter la gueule, vraiment. Hein. Et du coup, et après, quand on dit aux gens il faut surveiller les arrêts de travail, ils sont scandalisés, du genre vaut mieux surveiller les évasés fiscaux. Oui, c'est vrai, mais bon. Non, c'est ouf quand même. Enfin, moi, j'en vois plein, en tout cas, dans l'entreprise. Je ne citerai pas le nom, bien sûr, je n'ai pas du tout cité le nom depuis le début de ce podcast. Monsieur Marsman. Monsieur Marsman, ça y va. Pipo et le burn-out, ça y va. Hein. Hop, allez, un petit burn-out de 2 semaines là. En plus, c'est un burn-out dès qu'ils sont un peu stressés, mais ils vont chez le médecin. C'est là où c'est une connerie, c'est qu'un burn-out. Enfin, nous, on a eu une 2 personnes en burn-out et ça dure des mois, quoi. Quand tu prends un vrai burn-out, c'est pas 2 semaines. Ah, c'est si pas vraiment, c'est un truc qui te flingue vraiment. Ouais. Ils reviennent au bout d'un mois. Ouais, non, en vrai, c'est long. Hein. Ouais, normalement, c'est vraiment vénère. Les personnes qu'on a eu en burn-out, c'était. Enfin, on a eu une personne qui a pris. C'était 6 mois. C'était plus de 6 mois, donc. C'est pas le petit rôle, je suis pas très bien, j'ai 2 semaines en vacances. Ouais. Mais il y en a un coup. De quoi? Nous, on a un exemple, en plus assez récent, là, ça date d'il y a à peu près 2 mois, où c'était le moment où on devait commencer à revenir sur site, et juste avant, on avait une personne dans notre service, donc tous les matins, on avait un point, et ça faisait quelques semaines où c'était un peu une catastrophe. Les sujets étaient zéro suivis tous les matins, à chaque fois. T'es en mode, je vais regarder, enfin, on posait des questions, vraiment, t'avais l'impression que la personne foutait rien du tout, et du coup, bah, son responsable lui en a parlé en mode, écoute, on voit qu'en ce moment, le travail est pas trop fait, donc. Cette personne était en télétravail à 100%, il lui avait demandé de revenir sur site. Comme par hasard, la semaine d'après, elle était en arrêt, elle est toujours en arrêt et elle donne pas de nouvelles. Ouais. Enfin, voilà, on lui a fait genre... Non mais c'est ça, on lui a fait gentiment comprendre que parce que ben à la maison là son travail clairement elle le faisait pas. Hein. Enfin je veux dire vraiment c'était un peu scandaleux ou ça énervait tout le monde de se dire que tu peux te dire bah là c'est à ce sujet je l'ai pas en tête, je regarderai, je vous redirai. Mais tous les matins, enfin c'était sur moi aller aux approvisions, enfin aller un peu dans le service appro, approvision des emballages et genre elle était au courant de rien quoi. T'es en mode normalement quand tu fais ton travail t'es quand même censé avoir enfin ce qui se passe en tête. Elle savait rien du tout. Du coup tu te dis que c'était un peu du foutage de gueule. Et là, vraiment, elle a été convoquée en mode, faut que tu reviennes sur site pour un peu la surveiller, quoi, parce qu'à la maison, elle faisait pas son taf. Et vraiment, c'était quoi, milieu de semaine, lundi, arrêt. Et là, ça fait 2 mois, même quand les gens l'appellent, pas de nouvelles ni rien. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais, je crois pas qu'il y ait beaucoup de... Tu peux pas faire beaucoup de choses en tant qu'employeur, en plus, pour régler ça, quoi. Ouais. Et comment, du coup, après, est-ce que c'est l'employeur où tu as... peut-être que je dirais une connerie, l'URSSAF ou ce genre de choses, qui après vont contrôler les gens qui sont en arrêt depuis longtemps pour vérifier que c'est justifié. Je sais pas comment ça se passe, les contrôles. Franchement, je pense pas que ça soit. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est l'employeur qui peut balancer ou un truc comme ça, mais. Parce qu'enfin, faut faire une demande, genre voilà. Après, on a un droit du travail très solide, ce qui est plutôt bien au final, hein, parce que au moins tu as une sécurité de l'emploi et tout, mais c'est vrai que ça c'est parfois c'est un peu abusé quoi. Bah, c'est un peu abusé pour les gens qui stressent vraiment, qui sont mal et qui essayent de ouf de bosser, et d'autres qui sont un peu stressés ou je sais pas quoi, et hop ils se font arrêter direct. Le problème c'est que voilà, en fait c'est comme tu dis, c'est très bien pour la sauvegarde de l'emploi, c'était quelqu'un d'honnête, c'est clairement bien foutu, mais ceux qui vraiment en profitent, ça peut aller trop dans leur sens et c'est un peu abusé quand tu vois ça de l'extérieur, c'est même hyper frustrant. Ouais. C'est vrai qu'après, dur de trouver un juste milieu. Ouais, un débat compliqué. Hein, ouais. Non, mais dès que je serai président et que la peine de mort soit revenue à l'ordre du jour, ça ira mieux. Et d'ailleurs, tu disais du coup que tu travaillais pendant que tu étais malade ou des trucs comme ça, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler pendant vos congés ? Non. Ouais. Non. Moi, j'avoue que j'ouvre mes mails parfois et puis je regarde un petit peu... Parce que nous, on fait partie des 57%. Ouais, les mails, mais bon. Ça doit être ça. Ouais, en vrai, c'est... Et vous savez comment ça s'appelle, ça, d'ailleurs, 57. C'est un autre nom que le burn-out ou les trucs comme ça. Ça s'appelle le blurring. C'est quand tu... Quand la frontière entre ta vie privée et ta vie pro est floue, en fait. Et du coup, t'arrives pas à décrocher et tout. Le Covid et le télétravail, notamment en 2020, ça a joué chez beaucoup de personnes, ça, mine de rien. Parce que comme tu étais chez toi, les gens arrivaient plus à faire la distinction entre leur vie perso et leur vie pro. Ouais, c'est bien chiant. Ouais. Avec quelqu'un qui est soumis au blurring. Mais du coup, c'est un peu relou. Et pour répondre à ta question, je me suis toujours interdit les fériés, les week-ends, tout ça. Autant en semaine, ça me dérange pas. Tu vois, là, j'ai eu 3 semaines où j'ai eu des remplacements et on a eu un gros souci de qualité sur l'usine. Donc, j'ai souvent quitté à 20h parce que vraiment, il y avait un problème. J'ai jamais vu ça. Mais après, dès que l'ordinateur est éteint, je m'en fous. Pas plus tard que tout à l'heure, à 18h, j'ai déconnecté. Ouais. J'ai eu une personne qui a essayé de m'appeler 5 fois d'affilée. J'ai éteint mon téléphone. Moi, il y a un truc que je fais à chaque fois quand même, c'est genre quand je prends une semaine ou deux, le dimanche. Je revois tous mes mails et tout pendant 2-3 heures, mais comme ça en fait ça m'évite la semaine qui arrive déjà d'être débordé de ouf. Oui, mais c'est genre oui. Finir à 22h et tout ça, je le fais, j'avoue. Oui, et mais du ça, coup, ça. Ce que je voulais dire, c'est que apparemment c'est légalement interdit de travailler pendant ce congé. Voilà, j'avais lu un petit article là-dessus aussi. Bah, logiquement, oui, c'est fait pour ça. Ouais, mais c'est genre tu peux être puni par la loi si tu travailles pendant tes congés. Quoi. Mais on avait eu. Mais je pense que le blurring c'était très. En fait, limite, nous, maintenant, on arrive peut-être un peu à faire la distinction pour nos parents qui ont un peu connu l'arrivée des téléphones et donc de l'accès aux mails pendant leur progression du travail. Moi, je me rappelle des premiers BlackBerry de ma mère. C'est assez récent, ça. Elle pouvait consulter ses mails, etc. Ouais, ça a 15 ans, mais je pense que nos parents, ils ont plus eu ça... le fait de toujours checker ça en vacances ou des trucs de genre. Moi, je pense quand même que nous, alors si on le fait peut-être un week-end sur des vacances de 2 semaines, tu vois, ça va. Ouais, mais notre génération est particulièrement génération Y, elle met une importance à la vie privée qui est. C'est un truc de ouf. Hein. Je vois par rapport aux heures dans mon entreprise, les gens de mon âge s'interdisent quand même vachement à faire. à faire beaucoup d'heures, alors que les plus âgés, ils vont te juger à mort si tu pars avant 17h. Ouais. Ça, t'as pris ton après-midi. Mais c'est un truc de fou. Hein. Et même au niveau carrière, je trouve qu'on est vachement moins carriériste que la génération d'avant, je trouve. Enfin, je sais pas si vous le ressentez comme ça, vous. Mais il y a une volonté quand même d'être plus heureux dans sa vie que dans son travail. Ça dépend qui, encore une fois. Mais... Ouais, je crois. Ouais. Mais c'est vrai. Mais après, c'était... Il y a un truc auquel j'avais eu le débat justement avec quelques personnes du boulot à ce sujet. Et quelque chose qui... En tout cas, chez nous, alors je sais pas si toi tu le ressens notamment pareil chez Mars, Olivier, mais ton responsable, ton manager a énormément aussi d'impact sur ce concept de blurring ou pas. Par exemple, nous on a un chef, nous on a par exemple notre responsable, il est vraiment dans l'optique, enfin notre chef de service, il est vraiment dans l'optique d'en gros les horaires. Si par exemple il y a une journée, je vais faire 5 heures, si derrière les résultats sont bons, ben il s'en fout quoi. Si je vais faire 10 heures, 8 heures, 5 heures, si derrière les chiffres sont bons, il me demandera pas plus. Alors que par exemple le service marketing de chez nous, ils ont, enfin ils nous disaient, ils ont des responsables qui pourtant, enfin nous on est des petits cadres, enfin moi clairement je suis un petit cadre et mes collègues du market c'est pareil, leur chef ils ont aucun scrupule à les appeler le dimanche pour leur demander une présentation. Et ça c'est un truc, enfin moi je leur disais, je suis désolé, mais c'est aussi à vous. Alors que votre responsable vous appelle le dimanche, je trouve que c'est pas tolérable, mais je trouve que c'est aussi après un c'est personnellement se dire non, bah oui, mais en même temps un dimanche t'es pas censé répondre au travail, c'est du management, t'as raison, t'as des managers qui sont moi personnellement mon manager est hyper top et genre elle respectera toujours parce qu'elle se met à notre place. Mais t'as nana qui en ont rien à foutre, des mecs qui ont parce qu'elle écoute ou qui veulent qui pensent qu'à leur carrière et qui du coup veulent faire absolument travailler leurs employés comme eux. Mais ça, tu vois, je trouve que, en plus, alors je sais pas si vous c'était pareil, mais juste avant le Covid, vraiment, c'était début 2020, fin 2019, on avait un peu les campagnes du droit à la déconnexion, ce genre de choses. Donc c'est vrai que quand on te rabâche ça, puis que t'es responsable, il t'appelle comme ça le dimanche. Enfin, je trouve qu'il y a un moment, si on t'appelle le dimanche, t'es en mode, bah, je suis désolé, alors j'ai pas signé un contrat avec un salaire à 5 chiffres, je suis pas directeur général. Je sais pas comment ça marche quand t'as un... ça doit dépendre de ton contrat en plus. Hein. Et quand t'as un téléphone pro, normalement c'est que tu t'autorises plus ou moins le fait d'être dérangé pendant. Ouais, mais t'es chef d'équipe par exemple, tu vois, bon, ok, c'est dans ton contrat, je pense pas. Enfin, nous, le contrat que j'ai signé moi en supply, je pense que mes collègues du market, mis à part le poste, c'est plus ou moins la même chose. Et j'ai pas de clause qui me dit, bah, si on t'appelle le week-end, tu réponds. Donc je pense qu'il y a aussi une partie de. Ben, c'est à toi de t'interdire ce genre de choses. En mode, en semaine, tu vas faire des horaires, tu vas faire ton travail. Si derrière, tu as besoin de travailler le week-end et tout, c'est que la charge du poste de travail n'est pas adaptée. Donc, c'est sûr que c'est dur de dire non, mais il y a un moment, sinon, derrière, tu t'enfermes là-dedans, quoi. Donc, bon, c'est après un choix, je pense. Mais personnellement, il peut se passer n'importe quoi. De toute façon, nous, je sais pas si c'est pareil pour toi, Olivier, mais nous, SAP, le week-end n'est pas accessible. Mais j'allume jamais mon. Il y a des heures. SAP, APO, ça tourne. Ouais, ça tourne. Le logiciel, ça dépend. Mais voilà, ouais, en tout cas, bref, le week-end, clairement, ouais, non, c'est. Mais du coup, donc il y en a qui n'ont pas envie de travailler le week-end, il y en a qui n'ont aussi pas envie de travailler en semaine. Et il y a un employé du fisc suédois qui a trouvé une excuse, une astuce, pas une excuse, pour ne pas travailler. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça me fait trop rire en vrai. Mec, c'est un motif. Un employé. Un employé du fisc suédois. Donc c'est un mec qui fait sûrement beaucoup de, pas de relations clients, j'en sais rien. D'optimisation. Non, fiscale. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a trouvé une astuce pour travailler, pour pas travailler. Est-ce que vous avez une idée? Bon, c'est un peu chaud. Hein. Enfin non, c'est pas chaud en vrai quand tu sais le truc. Il a pas genre changé son statut, je veux dire un truc extrême, mais genre il s'est déclaré comme étant décédé ou un truc comme ça et. Non, vraiment il allait au travail tous les jours. Ouais. Et c'est juste que bah, voilà, après c'est des. Ah, il est au travail, c'est des mecs. C'est des mecs, je pense, qui doivent passer beaucoup de temps soit en réunion, soit à appeler des gens, soit des trucs comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour. Eh ben, il se mettait tout le temps en réunion. Occupé, ouais. Il répondait, il disait ah non, là je suis en réunion avec. Ah, c'est un peu plus malin que ça, pas, tu vois, parce que c'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça. Il était bien à son poste, il était bien déclaré. Ouais, le mec était à son poste, vraiment. Enfin, il faisait. Non, du coup, il faisait rien en soi, mais. Il faisait bien genre. Il faisait genre qu'il était commercial. Panneau occupé sur son. sur son bureau. Je pense qu'il doit avoir un espèce de job quand même un peu en télé, enfin genre en, à beaucoup appeler les gens. Ah, il faisait genre qu'il était au téléphone tout le temps, genre il arrivait, il appelait son répondeur et il laissait tourner. Ah, il coupait sa ligne téléphonique. C'est pas loin. Ah. Attends, il a... je vais vous le dire, en fait. Il appelait pas genre un faux numéro ou je sais pas quoi, mais genre. Non. En fait, en fait, il prenait son téléphone perso et il appelait sa ligne. Ça, il était toujours occupé. Ah, ouais. Et est-ce que tu sais comment ça a été découvert du coup? J'avais lu l'article, je crois que ça a duré un moment, mais je crois qu'ils avaient vu genre qu'il y avait qu'une ligne qui était à 55 heures. Il a fait ça pendant 55 heures. Ah, c'est pas. Ils entendaient la balle là, qui rebondait contre le mur en attendant les paniers de basket qu'il a envoyés. Il était là. Yes. 7 jours de travail effectif en tout. Ah, le bâtard. Ah, pas mal. Ouais, c'est une motivation. Ouais, en fait, il a dit qu'il avait vraiment une motivation extrêmement basse pour se justifier. Et ça, c'est un nom aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas le burn-out, mais c'est le bore-out. Vraiment, les gens qui se font chier à mort. Ah, quand t'es saoulé. Ouais, genre, moi, franchement, j'ai déjà eu des phases comme ça. À se justifier, c'est ça ? Pas dans mon travail actuel, ni dans mon entreprise, d'ailleurs, je tiens à dire. Mais des genres de trucs où t'as vraiment rien pas à motivé, faire, quoi. Et tu sais pas quoi faire. Et en fait, tout ce que tu fais, t'as rien à faire, quoi. Tu t'ennuies au travail. Ça, c'est terrible, en vrai. Vraiment, ouais. L'ennui au boulot, t'arrives... Il y a un autre truc qui s'appelle le brown out. C'est vraiment quand tout ce que tu fais perd de son sens. Genre, tu ne comprends même plus. Genre, vraiment, tu n'y trouves plus de genre, sens, plus d'intérêt. Plus de sens, c'est plus de sens professionnel ou plus de sens genre personnel. Ouais, tu trouves que ce que tu fais n'a plus de sens. À mon avis, c'est que tu trouves que ce que tu fais n'a plus de sens. Quoi. Genre, okay. Tu ne comprends même plus pourquoi tu fais ce genre de tâches et tout. Ouais. Ça s'appelle le brown out. Et donc le blurring et le burning out, évidemment. Burning man, pardon. Et ouais. Voilà, les quatre trucs. En ce moment, sur LinkedIn, je vois tout le temps passer des merdes comme ça, sur les quatre formes de dépression au travail. Les quatre types de... Ouais, ouais. En vrai, c'est intéressant de pouvoir distinguer et de mettre des mots dessus, quoi. Bon, ça fait un peu... Parce que c'est vrai sinon, avant, tout ce qui se passe, t'appelles ça un burn-out, quoi. Enfin, actuellement, si t'as pas ces termes-là, tu mets tout sur le compte du burn-out. Exactement. Voilà, alors là, ma prochaine question n'a absolument aucune transition, mais je trouve ça sympathique. Vraiment sympathique. Vraiment, là, commence à plus y avoir vraiment beaucoup de liens avec le travail. Mais est-ce que vous savez les deux professions où les gens sont le plus tatoués? Voilà, allez. Ça part comme ça. Alors, est-ce que tatoueur en une? Tatoueur, et c'est marrant, c'était pas cité, mais ça me paraît évident. Pourtant, parce que je n'ai rarement vu. Et du coup, on va dire tatoueur en numéro 1, mais les deux autres. Chauffeur routier? Non. Chauffeur, non. Non, c'est cliché. Ah, ouais, je dis camionneur, ça a quand même ce cliché des mecs qui ont tout le temps les tatouages. Attends, c'est un truc où. Un truc de ricain, faut y aller. Barman? Non. Et c'est artistique ou pas? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. T'es vraiment à l'opposé de l'art là. Wow, pas cool pour. Okay. À l'opposé de l'art? Non, c'est pas. Vous verrez quand. C'est des métiers très général quoi. C'est marrant de dire ça d'ailleurs. Garagiste. Ah, pas mal. Non. Tandis quand j'ai dit que c'était des métiers très très très très généraux. Policier. Très généraux d'ailleurs. Presque. Quand ça presque. Gendarme. Policière. Des métiers très généraux. J'ai dit. Pompier. Des métiers très généraux. C'est marrant. C'est avec généraux. Médecin généraliste. Non, médecin. Non. Je pense pas. Non. Ah, généraux, militaire. C'est... Ouais, militaire. Exactement. C'est ça. Ah ouais. Je l'ai là. En plus, j'allais dire militaire, mais je dis non, militaire, ils ont certainement pas. Ah ouais, t'allais le dire. Pourquoi tu l'as pas dit alors? Et parce que je me suis dit juste après qu'ils ont certainement pas le droit. Attends, tu dis. T'as dit que militaire, c'est pas un métier. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, mais mec, t'as dit ça, c'est abusé. Vous êtes vraiment. Enfin, c'est pas dire ça. Et du coup, le deuxième, c'est un métier qui est assez proche de nos études. Ben, agriculteur. Agriculteur, tout à fait, exactement. Agriculteur très tatoué, c'est marrant. Bah écoute, c'est un site, en tout cas, qui n'a probablement pas vérifié ses sources. Hein. Et moi non plus, d'ailleurs. Oui. C'est un podcast vraiment d'investigation, ne l'oublions pas. D'ailleurs, on est sponsorisé par Combini et State. Hein, et Clone Wars. Exactement. Bon, les Clone Wars, ouais. Exactement. Petite question comme ça, les gars. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Allez. balancer. Travailler pour vivre, The Bee. Ah, ah. Travailler pour. Quoi ? Ah ouais, carrément, t'es sûr de toi ? Et ça veut dire quoi, vivre pour toi ? Si. Ah. Travailler pour vivre, vivre pour travailler. Tu travailles pour avoir l'argent. Exactement. Et vivre pour travailler, c'est. Pour travailler, ça veut dire que tu passes ta vie, genre. Tu passes. T'es content de passer ta vie au travail. Bah allez, les connards, là, les 57%, vous allez me dire que vous vivez pour travailler ? Ben non, mais non, on a dit non, travailler pour vivre. Ouais, ouais, j'ai eu un bug, travailler pour vivre. Travailler pour vivre. Okay. Moi je travaille juste pour avoir de l'argent et pouvoir payer Andy pour une location quand je remonte à Paris. Comme le dit Confucius, trouve un travail qui te plaît et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. Ça. Très beau. Je pense que c'est au-delà de te plaire parce que genre je kiffe mon travail, mais de là à dire que genre. Ouais. Après, j'aimerais trop trouver genre une occupation où ça me passionne de ouf, tu vois. Mec, je suis sûr que t'as un truc où tu te branles plusieurs fois par jour et t'es payé, mec, tu pourrais faire ça. Hein. Je suis pas sûr que je le fais en vrai. En fait, c'est juste, évidemment, c'est juste ton quotidien actuel, sauf que t'enlèves ton taf et tu fais la même chose, sauf que t'es payé. Ah, c'est excellent, ouais, c'est... Ça, en vrai, si je trouve, il y a des métiers qui vendent du rêve ou c'est des métiers sans vraiment être des métiers, mais genre garder. Les métiers qui vendent du rêve, souvent, c'est hyper dur, je trouve. C'est des métiers où c'est. D'y avoir accès. Bah. Tu vois, il faut avoir énormément de talent et de la chance pour après arriver à là, quoi. Non ? Je sais pas si vous vous rappelez, pendant il y a pas mal de temps, il y avait eu une offre d'emploi pour gardien d'une île paradisiaque. Ouais, quoi, mais genre ça, en vrai, et le boulot, c'était de. Mais t'es seul sur une île, tu rentres le soir, je pense que t'es avec. Enfin, ça dépend évidemment des conditions. Mais si tu rentres le soir et que t'es avec ta famille et que t'es un gros amoureux de la nature et que t'as quand même des vacances et tout. Enfin, ouais, mais alors du coup, il faut trop, que tu sois amoureux de la nature, que t'aimes être seul avec juste ta famille, que ta famille accepte de rien branler parce que t'es sur une île isolée, bon, ouais, que t'as pas d'amis et tout. Je trouve qu'il y a un revers, tu vois, la médaille qui est assez. Un petit gros Robinson Crusoe. Non, mais tu vois, ça irait bien pour Didier, par exemple, parce qu'il a déjà pas d'amis. Tu changes d'île par Périgueux et on est. Ça ressemble plutôt bien, ce Non, mais. Je vais vous détruire. Non, en vrai. Mais après, tu vois, après, certaines personnes aussi qui sont complètement à fond dans leur travail et ils font plus que ça. Après, ils kiffent de ouf, mais ils font plus que ça, du coup. Et ça peut aussi un peu. Ceux qui sont artisans du bois. Tu vois, moi, j'imagine vachement les métiers comme où c'est des c'est vrai, t'as raison, absolument. C'est des métiers de passion, quoi. C'est vrai. Artisans du bois qui créent des meubles personnalisés pour les gens. Tout ce qui est artistique, en fait, je trouve qu'il y a vraiment... Mais après, voilà, il faut... Oui, c'est vrai. Si tu veux, après, vivre de ouf, ou bien, en tout cas, il faut avoir énormément de talent. Et vivre de la musique, ça va être. C'est vrai qu'un bien, métier artistique, en fait, tu te lances pas dedans si t'es pas passionné. Sinon, ça marche pas. Déjà, il faut être passionné. C'est vrai que pour vivre, après, c'est compliqué. Parce qu'il faut percer forcément. Ouais. Quoi. C'est vrai. Et donc, c'est compliqué. Je sais pas, est-ce qu'il y a des comptables, genre, qui sont ouf, qui arrivent au taf et tout, ils sont là, mais waouh, putain, les chiffres. Et ils sont là, ils calculent des putain, trucs. Voilà, mais putain, j'adore ce que je fais. Plus de dossiers, plus. Oui. Empile-moi cette pile de. Empile-moi! C'est aussi. Bah ouais, il doit y en avoir, si, c'est sûr. Enfin, moi, en tout cas, j'avais rencontré des mecs, c'était un peu ça, ils étaient juste méga fans des chiffres, ouais. D'estimer et de calculer tout et n'importe quoi. Et chaque nouvelle mission, chaque nouveau projet, c'était un nouveau défi ou une manière un peu de se faire mousser, de dire, ah, vous avez vu comment je suis balèze et comment j'arrive à calculer, donc. Franchement, le mec avait 65 piges, je crois, et il avait l'air de toujours autant kiffer son taf que les premiers jours. Donc ouais, je pense que c'est peut-être plus rare, mais après, vu qu'il y a beaucoup plus de comptables qu'il y a d'artisans du bois, donc on a peut-être plus de chances de tomber sur des mecs qui aiment moins ça. Je sais pas, et vous, il y a un métier d'artisanat que vous aimeriez bien... C'est là, demain, vous vous réveillez. Moi, c'est pas artisanat, mais s'il y avait un truc un peu artistique et tout, moi, j'adore la création, la vidéo, les trucs comme ça, tu vois. Même le son, le podcast, tu vois, c'est cool. Tu serais youtubeur ? J'aimerais trop. Oh, grave, mais tellement. J'aimerais trop faire des spots de pub et tout. Ça, j'avoue, faire du marketing et faire des spots de pub. Vraiment, qui fait travailler dans la pub, ouais. Et créer des vidéos et tout, ça doit être assez. C'est vraiment un job qui existe très peu, je pense, à mon avis. Hein. Mais. Mais ouais, ça me ferait bien kiffer, moi, un truc comme ça. Et Vicky ? Moi, j'aimerais bien prendre du temps pour tester la composition de son. Oh. J'avais déjà testé ça un peu il y a quelques temps. Mais tu veux faire le montage de ce podcast ? Du coup, c'est un super... Il nous avait fait un générique. Composition musicale. Ben, c'est ça. Andy, t'étais là. J'essayais de faire un générique avec les logiciels de composition de son. Putain, c'était un peu galère. En plus, j'avais pas le clavier qui allait. Le problème avec, de ça, c'est etc. que tu t'as fait un peu de solfège ou pas ? Parce que pour moi, sans solfège, ouais. Comment... Ah bon, ça va alors. Ben, genre, j'ai des bases de musique, genre piano, guitare, c'est cool. Parce que moi, etc. J'ai zéro base de solfège, genre, je me verrais pas pouvoir composer quoi que ce soit, mais j'aimerais trop. Hein. Mais me taper ouais, solfège... créer des sons... c'est beaucoup d'investissement, la musique. Ça, c'est vraiment... Bah ouais. Ouais. Bon, et, bon, voilà. Et notre petit Didier que... J'avoue qu'en création, pas vraiment. Pas vraiment, après... comment... Moi, il y a... Y a... Dis tout ce qui allez, te passe. Allez, l'e-sport. C'est pas, non, même pas, parce que tu vois, même l'e-sport, non, je vais pas. Bon, à part là, les championnats du monde de LoL qu'il y a eu il y a pas longtemps, mais sinon, je m'intéresse pas tant que ça à l'e-sport. Voilà, j'aime bien jouer, sans plus, mais par contre, alors bon, vous moquez, mais moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, on dirait pas, malgré mon comportement habituel, mais j'ai réfléchi énormément à pas mal de choses un peu sur. Bon, pas des questions un peu métaphysiques, physiques, un peu philosophiques sur beaucoup de trucs. Et j'aimerais bien un jour peut-être faire un peu une synthèse de ces idées. Je ne vais pas dire écrire un livre, mais peut-être j'aimerais regrouper un peu dans un recueil et pas ben, mal de pourquoi réflexions. Pourquoi pas. Non mais voilà, c'est un truc auquel j'ai un peu pensé. Bah non, mais en vrai, ouais. Parce que c'est vrai que je voilà, encore sans être philosophe ni quoi que ce soit, mais je me pose beaucoup de questions, notamment notre place... c'est des questions, j'aurais jamais de réponse, mais j'aime bien me poser ces questions-là. En gros, notre place dans l'univers, quand tu regardes ce qu'est la Terre à côté de l'immensité de plein de trucs, pas mal de débats un peu, même quand on parle un peu du côté vegan, de pas mal de trucs, avoir un peu un recul là-dedans, essayer de réfléchir plutôt au niveau macroscopique, ce genre de choses. Et c'est un truc que je me suis posé la question un jour de vraiment faire un petit recueil de pas mal d'idées pour et peut-être les noter dans un recueil. Voilà. Ne serait-ce que pour moi, mais c'est un truc que j'aime bien. Écrire quoi. Ouais, mais enfin même pas tant que ça. Ouais, je sais pas. Bah si, c'est bien de poser au bout d'un moment tes réflexions peut-être. Voilà. Et toi, Andreas? T'as pas d'idée? Non, c'est pas ça. Bah quoi. J'ai pas là du. T'es déjà un peu un artiste dans l'âme, mais plus précis. Non, j'aurais peut-être dit effectivement un peu comme toi, musique, parce que je suis assez fan des types qui ont des énormes setups. Ils ont leur pad, un ou deux claviers, 3-4 guitares, des percus, et des ouais, bibliothèques. Ouais, ouais. Enfin, ils ont à chaque fois 6-7 d'instruments et ils sont kiffés. Mais après, la théorie, ça me saoulerait, donc je serais là à aligner les 4 mêmes accords. Tout pété, donc je. Ouais, mais juste aligner 4 accords et changer 2-3 trucs et rajouter des morceaux de. Enfin, tu vois, tu sais pas faire de trompette, mais tu rajoutes quand même de la trompette parce que c'est facile, c'est sur le logiciel de. Enfin, tu vois, rien que ça, tu vois, moi je trouve que c'est... ça peut être marrant, même si tu t'y connais pas énormément. Un truc facile pour Andy, c'est bien, ouais. Non, mais sinon, si tu veux un truc différent pour pas copier Vicky, j'aurais bien aimé, genre, avoir un bar, mais genre mon bar. Genre, j'avoue, ça fait kiffer. Tu ça. Prépares, ouais, tu sais, c'est ton âme. Enfin, c'est un peu genre ta petite maison et tu lui donnes. Bah, franchement, avoir un bar, c'est trop stylé parce que t'as tellement de gestion derrière, t'as tout en fait. Ça par contre, clairement, j'embauche l'un de vous pour s'occuper de ça. Moi, c'est juste le concept. Réfléchir, non, me dire je veux telle chaise, je veux tel fauteuil, je veux tel truc, je veux que les gens qui soient là et là, ils se sentent. Voilà, comme ça, je veux qu'il y ait une ambiance. J'avoue qu'avoir un bar aussi, c'est un truc qui m'aurait toujours plu. Eh ben les mecs, vous savez quoi, pour le prochain podcast. Allez, on achète un bar. Allez. Ah ouais. À 100 likes, on appelle le puzzle. On achète un bar. On l'appelle le puzzle. Et, et du coup, les gens ils se demanderont pourquoi le puzzle. Pourquoi le puzzle. Et en fait, ça sera ça le puzzle. Voilà. C'est pas de moi. C'est de How I Met Your Mother d'ailleurs. Didier, combien d'épisodes de How I Met Your Mother? 216, ma gueule. Ah yes, exactement. Pas du tout. Hey, on a un petit fil rouge hein, dans ce podcast quand même. Ouais, bah écoute comme en vrai comme à chaque fois. Suivez tous. Yes. Parfait. Et justement, en parlant de fil rouge, par quoi on termine ? Les recommandations ! Moi, je disais notamment ça parce que j'ai une recommandation là. Franchement, c'est vraiment, vraiment un coup de cœur. C'est une chaîne YouTube d'une meuf qui a, je sais pas, elle doit avoir 24 ans, 25 ans. La chaîne, elle s'appelle Ici Amy Plante. Et elle a genre pas beaucoup d'abonnés. Elle a genre 100 000 abonnés ou un truc de genre. Et franchement, ah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est des réflexions. En fait, c'est Didier qui m'a fait penser à ça, là. C'est des réflexions sur la vie, mais elle les met hyper bien en images, en son. Elle fait un vrai travail de mise en scène et elle raconte genre juste hyper bien les réflexions qu'elle a sur la vie. Bah, évidemment, il y a le Covid qui est passé. Elle explique en quoi ça l'a affecté, etc. Il y a une autre fois où elle retrouve une photo d'enfance avec sa grand-mère et elle parle de sa relation avec sa grand-mère, etc. C'est hyper touchant, mais c'est aussi hyper bien écrit. Ça s'appelle Ici Amy Plante. Ici, ICI. Alors, voir. Et Amy Plante, A-M-Y, okay. et Plante, P-L-N-T. Et franchement, c'est hyper, hyper bien. Okay. C'est enfin cool. Vraiment impressionnant. Cette chaîne. On remettra de toute manière toutes les suggestions en commentaire Twitter. Pour les gens qui aimeraient retourner. Évidemment, tout à fait. Exactement. Exactement. Ok. Ah bah attendez, moi je vais vous lire les miennes alors. Du coup, bah, The Office, clairement, meilleure série. Je crois que je l'ai déjà recommandé à peu près à tous les, tous les podcasts. Meilleure série de tous les temps. La seule série que je l'ai finie, je l'ai commencé l'année dernière, je sais pas, peut-être en novembre. Je l'ai fini en janvier. Et on a fait un week-end, il n'y a pas formé, je pense. On a recommencé à regarder quelques épisodes. Et du coup, j'ai re-regardé. Et là, je suis en train de la re-terminer. C'est-à-dire qu'en un an, je l'aurais vu deux fois. Ce n'est jamais arrivé. Donc, The Office, exceptionnelle série pour moi, la plus drôle. Après, par rapport aux séries, tu vois, je trouve que les séries que tu peux re-regarder, c'est celles où tu n'as pas non plus un suspense de ouf. Parce que quand tu as du suspense, tu n'as pas envie de regarder. Non, mais ça. C'est exactement. Et, mais en plus, ce qui est trop bien, c'est que je la regarde en mangeant, je la regarde quand j'ai rien d'autre à regarder. Et genre, tu peux la laisser comme ça tourner et tout, et c'est très agréable. Sinon, petite série que j'ai ciné, Clone Wars, vous connaissez ? Excellent. Ah non, pas du tout. Très bonne reco, voilà, le fil rouge, on connaît. Okay. Une reco voyage, si vous aimez le travail, Londres, ils adorent travailler là-bas. Ils travaillent beaucoup, beaucoup, c'est trop, trop. Excellent. Franchement, un plaisir. Il n'y a pas une nouvelle série. Putain, c'est marrant ça, je viens de lécher mon micro, il est salé. Oh. Oh, ah oui, il est salé, c'est trop drôle. Le petit et sinon, en livre, alors, livre voilà, ça c'est pour compenser. La roue du temps, que personne m'a conseillé, mais qui est un très bon livre que j'ai commencé à lire. Voilà. Compliqué, mais oui, c'est vraiment un roman de médiéval fantasy. C'est excellent, j'ai bientôt fini. C'est comme Harry Potter ou pas ? J'en ai pour 15 ans. Exactement, c'est comme Harry Potter, Andrés. Non, mais en vrai, en vrai c'est très proche. C'est un vrai très proche de Seigneur des Anneaux et c'est un mec qui écrit c'est vraiment très médiéval fantasy. D'ailleurs, il y a la série sur Amazon Prime qui va sortir, adaptation de ce livre. Ah, il va dire, il y aura des déçus. Qui s'appelle La Roue du Temps. Et il y aura des déçus. Je sais pas, moi je vais pas la regarder tout de suite parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Apparemment, la personne qui m'a recommandé ce livre m'a dit que la première saison c'était sur le tome 1, le tome 2 et le début du tome 3. Sachant que le tome 1 il fait plus de 1000 pages. Oh. Là j'ai lu un peu plus de la moitié et je lis très lentement donc. Voilà. Attendez, c'est quand on a parlé des lectures ? Ah non, c'était dans. On a pas. C'était l'apéro 2, je crois. Ouais, c'est un des premiers. Voilà, bref. On parlait du nombre de livres qu'on avait lus, vu que j'ai repris à lire la lecture. Donc voilà, Roue du Temps, c'est très sympa. Et sinon, j'ai rien d'autre en tête. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Didier, oui. Quelques recommandations saugrenues ? Non, mais alors une série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, alors qui est pas très connue. Alors, ça, désolé hein, pour les personnes qui ne regardent pas les mangas, mais ce sera toujours des mangas. Ça s'appelle Monster. qui alors avait un synopsis qui était très intéressant. Donc c'est en 74 épisodes et la série est finie. Et en gros, pour faire simple, c'est un neurochirurgien en Allemagne qui est très très compétent dans son domaine, qui la plupart de ses opérations réussissent. Et en fait, il se rend compte que dans l'hôpital dans lequel il travaille, bon, c'est très très politique dans le sens où les gens qu'on lui demande d'opérer, c'est pas forcément au final pour sauver des gens, enfin par c'est, l'objectif premier n'est pas de sauver des gens, mais de sauver les personnes influentes qui peuvent par exemple donner de l'argent à l'hôpital, ce genre de choses. Et un jour, il a un enfant qui arrive avec une balle, enfin, balle qu'il a pris dans la tête. Il peut sauver cet enfant, donc il va commencer à l'opérer. Sauf que là, on lui dit bah, qu'il y a le maire qui a fait, bon, qui a, je sais plus ce qu'il y a eu, enfin, une autre maladie cérébrale, et qu'il fallait qu'il l'opère. Et il décide de ne pas obéir aux ordres, et il décide d'opérer le gamin, donc il sauve le gamin, et le maire est opéré par une autre personne, mais il ne s'en sort pas, donc il décède. Donc suite à ça, il est rétrogradé, il se passe une dizaine d'années, et en fait, le gamin qu'il a sauvé est devenu un tueur en série. Et donc, suite à ça, donc il part à la poursuite du gamin, il essaye de l'arrêter, enfin, qui du coup n'est plus un gamin, et il y a toute une intrigue, en fait, parce que ce gamin a été, enfin, en plus de ça, était un génie. Donc, il y a toute une machination qui a été mise autour de tout ça. Donc, c'est vraiment très très prenant, mais vraiment une série. J'ai vraiment dévoré les épisodes. Alors, c'est un peu compliqué. Il faut quand même bien suivre. Que t'as vu en animé ? En animé. En animé. Pardon. Et ah oui, 74 okay. épisodes, donc de 20 minutes. Et c'est sorti en 2008, donc c'est pas. Et c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est des graphismes un peu plus, on va dire. Je ne vais pas dire de l'époque, c'est pas si vieux que ça non plus, mais c'est pas les graphismes non plus tout beaux, un peu tout colorés de nos jours. C'est vraiment qu'il y avait une ambiance assez, assez dark et c'est hyper prenant. Et en livre, alors que j'ai commencé il y a quelques mois et je continue au fur et à mesure, il y a pareil, une série en manga qui s'appelle les carnets de l'apothicaire, qui est vraiment top. Donc on suit, c'est... La couverture te dit quelque chose ? Ouais, je sais que c'était un peu un best-seller dans les rayons Fnac ou n'importe quoi. Je crois aller voir. Très très bonne série. Donc ça se passe en Chine à l'époque où il y avait tout ce qui est des empereurs avec la cour, les courtisanes, ce genre de choses. En fait, c'est une jeune fille qui est kidnappée pour travailler là-bas. Et en fait, bon, elle, c'est une apothicaire, donc qui est assez intelligente. Et du coup, elle va résoudre des mystères, des assassinats sur place, parce qu'il y a des gens qui se font empoisonner. Et puis donc, elle va résoudre tout ça. Et c'est une très bonne surprise, parce que c'est vraiment le seul manga qui est vraiment tourné autour de ça. C'est pas des clichés, des histoires, on va dire, assez classiques. Et c'est très bien fait. Les personnages sont vraiment très attachants, donc très sympa. Et alors bon, je vais finir très vite fait en mini reco parce que j'ai pas encore regardé ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a la série Arcane sur Netflix qui est en train de sortir, qui tourne autour de League of Legends. Non mais qui bah, ça m'aurait étonné que t'en parles pas. Mais vache. Alors mais à ce qui voilà mais je me permets d'en parler. Regardez Squid Game. Je me permets d'en parler parce que ouais, ça a un succès de fou et à ce qui paraît c'est super bien. Oui, moi aussi on me l'a beaucoup recommandé. Donc c'est pour ça. De ce que j'ai un peu vu, non, c'est une histoire. Alors ça tourne autour de l'univers de LOL, des personnages de LOL, mais t'as pas besoin de jouer à LOL pour comprendre. Est-ce qu'il y a LeBlanc? Je ne crois pas. Il y a Katarina. Est-ce qu'il y a Paul? Non, parce que ces personnes sont à Noxus et l'histoire là se passe à Piltover, donc non. Noxus? C'est une ville. Bah oui. Ah d'accord. Oui, non, c'est pas Nexus, c'est Noxus. Et dernière mini-roco, oui. Donc pour les gens intéressés, saison 4, partie 2 et ultime saison de l'Attaque des Titans sortira en animé dès le 9 janvier. Ça devrait faire une vingtaine d'épisodes et ils vont animer la toute. C'est une reco ou c'est une sponsor ça... C'est une reco qui va venir. On va toucher de l'argent là. Voilà. on va toucher de l'argent sur la pub que tu leur fais. Non. Dommage. Voilà. Désolé d'avoir parlé si longtemps. Ouais, donc toi, t'es reco, Didier. Merci. Tu te dévalorises merci, pas. Merci. Un plaisir pour nos oreilles de t'entendre, Didier. Ouais. Un plaisir pour les papilles. Et toi, Andreas Alors, dis-nous tout. Bah, du coup, je vais faire que deux reco. La première, ce sera au cinéma. Alors, c'est pas une recommandation de ouf, c'est le film Les Olympiades, qui a été nommé de gauche et droite, mais qui a pas été primé, je crois, au César. Un film qui se passe du coup dans le 13e de Paris et qui tourne autour de trois personnages qui ont presque 25-30 ans et qui sont en carrefour de leur vie. Et j'ai envie de dire que ce film est un peu une tranche de vie sur trois individus où on peut s'y reconnaître ou pas avec le Tinder, la relation au sexe plus ou moins affirmée et très gourmande, des gens qui se cherchent aussi au niveau du travail, qui sont un peu déconnectés avec la famille. Enfin, ça aborde plein de sujets qui peuvent vous toucher. Ouais. Le réel est connu, c'est Jacques Audiard, donc comme ça on pourrait faire genre qu'on est stylé. Et je sais pas, je trouvais qu'on s'attache assez rapidement à tous les personnages et ils sont assez humains dans le sens où ils sont un peu nazes sur plein d'aspects, mais ils sont assez sincères avec ça. Et j'aime bien, enfin, je trouve ça cool le fait de dire qu'on peut être nul et c'est pas grave, ça fait partie de soi et ils sont assez honnêtes dessus. Donc non, bon film. Et ma deuxième reco, c'est une chaîne Twitch. La personne s'appelle Kungito, K-U-N-G-I-T-O. Et alors là, c'est complètement biaisé. C'est un pote de lycée, de collège lycée, qui vient de lancer, ouais, il y a même pas une semaine ou deux. Il a acheté le matos. Il est expat, il vit maintenant, je crois, en Suède. C'est pas le cas, je suis désolé. Et du coup, il se lance dessus. Mais c'est trop mignon de voir un de vos potes qui sont dans ce truc. Et je le trouvais ultra bienveillant avec les personnes qui papotaient dans son chat. C'est Kungito. K-U-N-G-I-T-O. G-I-2-T-O. Je crois qu'il fait du... Il essaie 3-4 jeux comme ça. Donc il a essayé du Animal Crossing, du TFT, du Hades. Enfin, il essaie 3-4 trucs. Il fait aussi du jeu stratégie façon Age of Empires. Façon. Mais même si vous aimez pas les jeux... Je trouve pas en tout cas. J'ai tapé Kungito Twitch, je tombe sur Sucks Leaking Perfetta. J'ai trouvé. Je te jure, j'ai que des trucs porn. Faut aller dans Twitch. J'allais dans Twitch parce que c'est vraiment dégueulasse. En commentaire. Ah ouais, il s'est donné, il a fait pas mal de strips déjà. C'est plein de petites vignettes. Après, bientôt ça sera nous. Il a un vrai travail à plein temps. Non mais. Bientôt ça sera nous ça. Mais exactement. Quand on ouvrira notre chaîne Twitch. Stylé, en vrai. Non, je vous dis, c'est trop mignon de voir quelqu'un qui sent dans ce truc, qui quand même a un peu appris les codes du stream, qui fait beaucoup d'erreurs et surtout qui reste très naturel. Donc après, on aime ou on n'aime pas, il faut le contenu Twitch, il faut tomber sur les streamers que vous aimez bien. Mais voilà, je trouve ça chouette d'avoir des potes qui font ça. Donc n'hésitez pas à les encourager parce que vraiment, je suis très content. Et... Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Ah non, pas du tout. Non. Coup, my bad. Mais il a fini il y a 25 minutes. Et sinon, il fait aussi de la guitare. Aujourd'hui. Donc avec parfois, en cours de stream, il fait des petites impros pour se détendre et détendre son public. Donc, si vous avez besoin de chiller. Mais toi, tu lui parles encore ? En fait, on s'est revus après 5-6 ans de diète. On s'est revus il y a 5-6 mois, juste avant qu'il quitte la France, parce que je voulais revoir. Mais c'était mon meilleur pote de collège lycée. Je lui avais demandé, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on se fait un truc. Et on s'est vu, ça a bien matché, et il m'a raconté un peu sa vie, et à cette occasion, il allait peut-être tenter le stream, et je suis allé le voir une fois, et c'est trop mignon, il prenait le temps de m'expliquer son jeu, les règles. Ah oui, ça a l'air pas mal, hein. Donc, en plus, c'était un live interactif, donc j'ai eu une chouette expérience. Voilà, mais je parle de lui, mais... Ça serait la même si Didier tu te lançais dans le stream, Oli, Vicky. Ne tapez pas en tout cas, Marocco, ne tapez pas Kungito Twitch sur Google. Voilà. Tapez-le dans Twitch. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Vive le travail ! Vive le travail. Et d'ailleurs, justement, je vais revenir sur ça. N'oublions pas que nous sommes le club des bons copains. Et que c'était ça le plus important. Les amis, les gens qu'on aime, quand on passe des périodes difficiles, ils sont là pour nous. Et ça, jamais une carrière et tout l'argent qui va avec nous l'apportera. À bon entendeur. Gros bisous. Ciao.